Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Floodcast! Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très, très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bah, je passe la deuxième. Bonjour, bonsoir. Shifter pro ou quoi? Mais non, oui, mais attends, t'es en contresens ou t'es... Je te laisse imaginer si j'étais sur une moto. Bonjour, on fait le GP de Squeezie, vous nous entendez? On le fait, c'est nous le couple. C'est nous mystère. Le couple, ouais. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Je suis Florent Bernard et comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Quand vas-tu, Adrien? Je suis en Y, soleil sur la bulle. Comme à l'accoutumée, nous sommes accompagnés de deux invités pour ce dernier épisode avant les vacances. Non. Le quoi? Dernier épisode. Ah oui, il y a un best-of. Pour toujours. Ah non, c'était pour de... Je vais faire un prank. Non, mais c'est vrai qu'il y a le best-of cet été qui sortira. Je sais pas quand trop, mais normalement au milieu de l'été. Tu me regardes, tu sais bien que c'est toi qui vas tout faire. Oui, j'en sais rien, en tout cas, il va sortir cet été, mais c'est le dernier vrai épisode de la saison. Comme à l'accoutumée, nous sommes accompagnés de deux invités. Alors j'ai demandé, vu que c'est bientôt les vacances, et même déjà les vacances, peut-être pour certains qui nous écoutent, à ChatGPT de présenter nos deux invités. Tout d'abord comme s'ils étaient un endroit touristique génial, puis un endroit touristique horrible, comme TripAdvisor un peu, ou Booking, d'accord. La première, Justine Le Potier est un lieu de vacances idyllique, avec des plages de sable fin, des eaux cristallines et un climat ensoleillé. Profitez de son parc d'attractions avec des montagnes russes qui vous emmènent dans un tourbillon d'émotions, son carrousel enchanteur où elle vous fait tourner dans un monde de bonheur, ainsi que sa grande roue qui offre une vue panoramique sur la magie de grande rousse. Oh, c'est très sexuel. Justine est un endroit incroyable où passer ses vacances. Vous aurez envie d'y revenir encore et encore. Ah, là c'est sexuel. C'est moi, mais quand même. J'aurais envie de venir dans ses cheveux. Comment pas. Mais j'ai également la version atroce. Ah. Justine Le Potier est un lieu de vacances épouvantable. Attendez-vous à des vacances médiocres, frustrantes, en un mot désastreuses. Les options de loisirs sont limitées et il y a peu d'événements culturels ou de festivals pour divertir les visiteurs. L'ennui risque de s'installer rapidement, laissant les vacanciers avec peu de choses à faire. Fuyez, Justine Le Potier. Oh là là, c'est fou. Moi j'applaudis la première. Bah oui. Ah bah attendez. Qui était 100% vrai. Je suis passé de tout à rien. C'était enfin, c'est le concept. C'est ChatGPT. Pierre Lapin va dire que tu le plagies. Ah oui, c'est vrai, c'est possible. Oui, parce qu'il fait un podcast qui s'appelle Pardon GPT. Je vais le faire à l'envers en fait. J'ai merdé. J'aurais d'abord dû mettre le mauvais. Oui, comme ça bon. On applaudit le. C'est ça. Donc je vais faire à l'envers, Sébastien, d'accord. Et attends, ouais. Oh, monta. Oh, oui. Voilà. Rien faire de tout ça. Ouais, d'accord. Sébastien Chazan est un lieu de vacances horrible. Ouais. Tout comme cet endroit regrettable. Sébastien Chazan déçoit. Non, je fais une pause. Il se ferme les yeux avec ses doigts, comme Ross quand il apprend qu'on lui a mangé son sandwich. Sébastien Chazan déçoit et laisse à désirer. Oh putain. Dénué d'attrait, cet endroit est comparable à une expérience ennuyeuse et décevante. Préparez-vous à des vacances désastreuses chez Sébastien Chassagne. Dénué d'intérêt, il a dit. Ouais, d'attrait. Dénué d'attrait. Mais attention, ça c'était la mauvaise critique. Ouais, c'était le discours de mon père pour mes 18 ans. Mais attention, parce que chez certains, Sébastien Chassagne est un lieu de vacances. Bah pour nous. Est un lieu de vacances extraordinaire. C'est le même texte que comme une destination de rêve, Sébastien Chassagne allie charme, grâce et talent. Son jeu d'acteur, parce que c'est ChatGPT, il parle de l'acteur. Son jeu d'acteur est une douce brise qui vous transporte, tandis que son charisme magnétique vous envoûte tel un coucher de soleil spectaculaire. Préparez-vous à vivre une escapade inoubliable dans cet univers captivant qu'est Sébastien Chassagne. Oh là là. Charisme magnétique. Putain. Bah merci beaucoup. Hey, c'est ChatGPT. Hein. Bah waouh. Wow. C'est ChatGPT. Ça vient de me requinquer. Oui, il faut savoir que je suis plus du tout allergique, ça y est. Il est arrivé avec. Il y a quoi? Tu as dit les graminées. Ouais, les chats, les poils de chat, les pollens. Mais t'es allergique à tout en fait. Quasi. Oh là là. Et une soirée un peu arrosée aussi. Non, mais pas tant que ça en vérité. Ouais. Soirée pour être vide. Allergique à l'agneau là. Je l'ai lu. Non. J'espère en tout cas que t'es pas allergique à la bonne humeur. Parce que sinon. Attention les yeux. Tu vas finir à l'hosto, je pense. Attention. Tu vas faire un œdème de Quink si tu es allergique à. Un œdème aux blagues. Cool même. Allez. On va commencer avec le jeu du Floodcast. Oui. T'allais dire un truc, Justine. Non, j'ai dit faut enchaîner. Ah oui, d'accord. Ce que j'entends. Seb dégueule. Non, ils sans s'en rendre compte, juste la bouche ouverte comme ça. Et ça coule comme un robinet que tu viens à peine d'ouvrir. Il y a vraiment non-stop. Selon une étude publiée par la revue scientifique The Lancet Planetary Health, dans quelle ville d'Europe a-t-on le plus de chances de mourir de la canicule ? Madrid. Ah, c'est intéressant. Pas Madrid. Lisbonne ? Pas Lisbonne. Alors, Paris ? Une ville. Non, ça doit être un peu marrant, j'imagine. Très bonne réponse. Panam City ? Cocorico ? Cocorico. Panam City. Bah, c'est oui. Pour arriver à ce résultat, les experts ont analysé les données de 854 villes européennes, des bulletins météorologiques à la démographie, en passant par les types d'infrastructures sur une période allant du 1er janvier 2000 à la fin de l'année 2019. Selon Le Parisien, les causes sont celles-ci, le manque de végétation, la couleur du goudron et les matériaux très sombres qui absorbent la chaleur. Wow. Au classement, alors est-ce que vous savez les deux autres villes du top 3 ? Londres ? Il n'y a pas Londres. Angers. Marseille. Non. Enfin, Angers. Bah non, c'est... non, mais c'est vrai que Paris, pourquoi ça m'a surpris parce que bêtement, tu pourrais te dire bah, Marseille, vu que c'est plus ouais. au sud, ça a donc plus non. de chance. Et il y en a fait, de non. l'eau. Bruxelles ? Oui, mais c'est. Pas Bruxelles. Attends, on a dit Madrid, c'est ça ? Ouais, mais Madrid, c'est pas Madrid. C'est pas dans le sud des trois. Milan okay. C'est Le Parisien, c'est ça qui a fait le classement ? Non, c'est The Lancet Planetary Health. Ah, oui, d'accord. Parce que j'ai l'impression que tu avais cité le Parisien. Berlin ? Bah, le on l'a dit ? Je sais plus. Non, il y a Berlin. Numéro 2. Non, Le Parisien, ils expliquaient qu'est-ce qui pouvait expliquer la chaleur. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qui pouvait expliquer la chaleur ? Le Parisien. Il rit, il faut vous voir, il rit à ses mais... propres blagues. Non, c'est vrai non, qu'il non mais on partage. Ah, le rire, mais encore heureux que je ris à mes propres blagues. Attends. Bon, sinon, si on nous enlève ça, bon, attendez. Butez-nous direct, t'as une balle dans la nuque. Hein. Rome ? Pas Rome. C'est alors, pas au pas sud, si il a dit. C'est en Croatie. Ah, Split ? Non. Zagreb. Très bonne réponse, oh. Justine Le Potier, la méga forte en géoxé. Je connaissais même pas la ville de Zagreb. Parce que j'y ai été. Ah, c'était sympa. Oh, c'est génial, j'adore. Ouais, vraiment. Les Croates sont très grands. Ah oui. Ah ouais. Les quoi? C'est les un Croates. Très grand. Pas les crottes, non. Peut-être oh, l'humour, chouette, ça va. Et oh. Ça, ça attends. Il y a un certain standing quand même. Attends, non, ça va, Seb. Tu te crois où là? Je vous invite à la télévision. Non, attendez là. Attendez, mais vous pensez quoi là? Les crottes sont très grandes. Oh, un très grand peuple. Oui, très oui. grand en taille. De quoi? Un très grand pipi. Oh, pardon, j'ai mal entendu. Bon, Seb. Ça me permet de vous poser cette. j'ai une autre question pour vous. Quel pays a été élu le plus paisible selon l'Institute for Economics and Peace ? La Finlande. En Europe ? Pas la Finlande. Alors là, c'est dans le monde. Le Bhoutan ? Non. Ah, dans le monde ? Dans le monde entier. Le Vatican ? Non. Oh, non, c'est pas du tout paisible. Moi, j'y suis allé une fois et justement. Oui, non, c'est l'enfer. Ça doit être l'enfer. Enfin, c'est pas l'enfer. C'est quand même. Non, parce que ce serait. C'est l'enfer pour moi. Waouh. Tu veux. Dans vos gueules, les cathos. Paisible. Est-ce que c'est. Le Laos ? Pas le Laos. En Asie ? C'est pas en Asie. En Europe ? Je crois pas. Bon. Ah, il sait pas. Attendez, je vais vérifier. Ah, bah c'est alors le Bhoutan, c'était pas mal. Le Népal ? Non. Le Tibet ? Non, c'est en Europe, pardon. Ah. C'est en Europe. L'Islande ? Très bonne réponse d'Adrien Méniel. L'Islande, tout simplement. Vous êtes déjà allé en Islande ou pas ? Eh non, mais j'en rêve. Moi, c'est le pays que je rêve de faire. Parce que tous les gens qui sont allés, quand ils te montrent des vidéos, des photos, ça a l'air vraiment chouette. La carcasse d'avion, là. Aurore boréale, là. Ouais. Du tout. D'autres quoi ? Non, aucune envie d'y aller ? Non. Ah, ah ouais, ouais ? Mais pourquoi ? Bah, c'est pas, ça m'angoisse. L'Islande, j'ai l'impression que je vais mourir si je vais là. Mais je sais pas. Je... C'est extrêmement paisible, justement. Mais trop, voilà. Ah oui, c'est le fait. C'est tellement paisible qu'il n'y a personne et du coup, tu tombes dans un ravin et tu meurs. Et c'est un délire comme ça, je pense. Je vois. Et alors, le reste du top 3, vous pensez que c'est quoi ? Pas la France, le Danemark. Alors, le Danemark, effectivement, est deuxième. Il n'y a pas la Finlande. Il n'y a pas la Finlande. La France est 67e. Oui, bien sûr. Les Pays-Bas. Je pense que là, dernièrement, ça a peut-être même dû baisser en France, j'imagine. Mais ceci dit, attendez, enfin. C'est l'Institute Economic and Peace, mais t'as des endroits en France d'un niveau de paisible, genre dans le centre ou dans les, enfin tu vois, les montagnes, les Alpes. Ah, en France, tu veux dire ? Oui. Ah oui, oui. Oui. Non, mais Tours, pas le pays, la ville de Tours, par exemple. La ville de Tours est assez paisible. Angers, on y revient. Angers. Limoges. Donc on cherche le deuxième pays là. Le deuxième, c'est le Danemark. Oui, le Danemark, on peut laisser sa poussette dehors. J'ai entendu dire ça plusieurs fois. Ah ouais ? Avec un bébé dedans. J'entends. Et tout va bien. Sans compte le vol, tu le retrouves. Dans les autres pays, on te vole ton bébé. Certains pays, je pense. Bah oui. Les chiens, je savais, mais les bébés. Ceci dit, je pense que tu laisses un. C'est... Bon, super expérience sociale. Tu laisses un bébé seul. Un youtubeur va le faire. Seul dans une poussette et tu regardes combien de temps quelqu'un fait quelque chose. Mais en vrai, je pense que. Moins qu'un voleur, t'as quelqu'un qui le ramène aux autorités compétentes, je pense, assez rapidement. J'imagine, au bout d'un moment. Oh, j'espère bien. Les Pays-Bas. Non. C'est dans. C'est vers. C'est la Suède. L'Irlande. Non. Très bonne réponse. Ah ouais. L'Irlande, troisième. Connemara. mon gars. Ah, ouais. Ah oui. Suivent ensuite la Nouvelle-Zélande, l'Autriche, Singapour, le Portugal, la Slovénie, le Japon et la Suisse. Oh, l'Autriche. L'Autriche. Ouais, j'y ai été aussi. Non, ah, elle est partout, celle-là. Bien détente. Et la taille, ils sont grands, petits, moyens. Normaux, enfin ah, ouais. Taille moyenne quoi. Mais c'est, bien. C'est quand même une politique très d'extrême droite l'Autriche. Ah oui, quand même. Oui, ah oui, très, parce que, très blanc, enfin, très blanc. Oui, c'est ça, c'est pas l'idée exacte que je me fais de la détente du coup. Ouais. Mais c'est pas moi l'institut machin, moi je sais pas. Oui, pas non, j'entends. Mais. C'est un petit peu biaisé peut-être. C'est très propre quoi. Ouais, c'est bien clean. C'est ça. C'est atroce. Vous avez un endroit pour vous justement, un endroit que vous avez aimé pour son calme, pour même peut-être un. Adrien pointe du bout de son index sa caboche. Non, l'inverse, bien sûr. un endroit pour un endroit calme, un endroit pour te ressourcer. Même plus largement, est-ce que vous faites quoi pour vous calmer quand vous êtes stressé, énervé, pas bien? Moi, c'est mon chien. Ah ouais? Ah, mais oui. Vraiment? Mon chien m'apaise énormément. Oui. Quand genre il est vers toi. Et est-ce qu'il sent quand t'es pas bien? Oui. Ouais, ah ouais? Moi, vraiment, je suis pas sûr, moi. Ah ouais, t'as un truc ou. Je sais pas. Non, mais en tout cas, ouais, que quand. Quand j'ai un petit peu, je suis un peu en spirale et tout, et un peu avec des soucis, genre ma chienne qui se colle à moi, qui dort, je mets ma main sur son ventre, je suis bon, et puis après tout. Oh, c'est mignon. Et un endroit, non, il n'y a pas un endroit en France qui vous. Ou dans le monde d'ailleurs, peut-être. Toi qui as beaucoup, je sais que tu as beaucoup bourlingué. Oh, le elle a bourlingué. un endroit en France, oh, bah, la Corse. Ah ouais? Bon, ouais. C'est. Ouais. Ah ouais? J'y suis jamais allé en Corse. Alors que j'ai du sang corse, moi. Oh ouais. Quel menteur. Ça fait peur. Si, menteur. Le nom de famille de ma mère, c'est Senati. C'est vrai que c'est Senati. Senati. On dit pas le i. Je sais pas. Il paraît qu'en Corse, on dit jamais la dernière syllabe. Sauf parfois où on dit la dernière syllabe. Donc j'ai pas compris la règle. Moi, bon, on m'a expliqué ça récemment. Et on m'a dit non, mais quand même, des fois on le dit. Donc il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Toi, Sébastien, ouais. Non, j'ai aucun. Je crois que je suis jamais calme en fait. Je veux dire qu'il fallait que j'y remédie assez vite. Bah, un bon champ de fleurs avec des chats, j'imagine, tu serais au top, non? Non, je sais pas. Je fais de la guitare. Je me suis mis à la batterie dernièrement. Je prends des cours de batterie. C'est ma crise de la quarantaine. Je fais de la batterie. Ah, trop bien. Ouais. Et tu kiffes? J'adore. Alors ma prof de batterie a un chat. Alors aïe. C'est ça. Mais c'est pas mal. Du coup, c'est pas trop bien non plus. Parce que je pense que c'est ça mon secret, c'est de pas aller non plus trop bien pour réussir à avoir une bonne balance, tu vois. Oui, pas prendre trop de plaisir non plus. Voilà, pas trop de plaisir d'un coup. Moi, la batterie, je m'y suis mis à 3 ans aussi, et je suis pas bon du tout, mais je trouve que c'est. Mais ça. Ne dis pas ça, non, mais Flo. C'est pas grave. T'en fais plus d'ailleurs, si, en vrai. Fais. Ah ouais peu, bah, quand je suis dans ma maison. Oui. En Bourgogne. C'est rare. C'est beaucoup plus rare. Ouais. Mais quand j'y suis, j'en fais tous les jours. Ok. Et je suis pas bon, mais je suis d'accord. Ça fait du bien. Ça fait du bien ce que tu tapes, et le fait de suivre un rythme. Parce que je joue pas du free jazz quoi. Bah un peu. Bah oui, bah y a un côté t'es concentré. C'est comme la méditation où t'es concentré sur ta respiration et du coup t'oublies un peu le reste quoi. Moi on m'avait conseillé la méditation parce que je suis pas, bah, je suis quelqu'un de voilà souvent stressé. De toute façon, tout le monde devrait faire de la méditation. Ouais mais moi j'ai pas réussi quoi. Ça demande. Oui, du premier coup, tu vas y arriver. Tu te prends pour qui? Faut réessayer. Gandhi. Non, mais moi, la première fois. Après, je suis. Non, mais attends, très rarement. Donc. Tu m'as très vite coupé. J'ai pas essayé qu'une fois. Non, si. Non, mais j'ai essayé. Très peu de fois, je pense. Bah, je sais pas. Il faut combien de temps pour réussir à le faire bien? Je sais pas. Il faut. Non, mais parce que moi, je gamberge trop et ça m'angoisse en fait. Non. Ah ok. Non, mais comment t'as fait toi pour? Non, mais après, moi, je dis pas que je suis. Moi, j'ai encore du mal. Médites. Et en plus, bah, rarement. Ah ouais. Je le fais de temps en temps, mais j'aimerais le faire genre tous les jours. 10 minutes par jour, non, c'est ça? Bah, j'aimerais, ouais, mais. C'est petit bambou. Oui, mais moi, je trouve que j'ai l'impression de faire des activités maintenant, physiques, bah, typiquement, le soit sport. La batterie, courir, effectivement, un peu, qui sont des activités qui, je trouve, se rapprochent de la. Et en vérité, je me rends compte que, après le lycée, j'ai eu un gros pic de stress et machin. Alors, je suis arrivé à Paris, je vivais en Bourgogne, etc. Et aussi, j'ai arrêté la natation. Et je pense que et quand je fais de la natation, je me rends compte qu'on n'est pas loin d'un truc aussi. T'as les endorphines aussi qui font et que t'es relax. Mais la musique de la nage aussi, je trouve que c'est ça qui te permet un peu de penser à autre chose, quoi. Tu sais, t'as vraiment un espèce de rythme. C'est très un peu branleur hein, ce que je raconte. Non, moi je suis juste en train de chercher un jeu de mots avec musique de la nage et trouver un titre de film qui parle de natation, mais je trouve pas. Le Grand Bleu. Ah, non, vrai, mais parce que tu dois caler. Je te donne des pistes. T'as le bruit de truc et t'as la respiration. La BO du Grand Bain, tu t'écoutes? Ouais, allez, musique de la nage. Allez. Ouais. C'est bon, vas-y. Non, mais ça, j'ai fini. Qui a un rythme. Rythme et respiration. Oui, parce que bah, t'as du aussi coup, du coup la respiration et moi c'est ça que dans la méditation sans rien que j'arrive pas à faire. Bah ouais, mais on m'a conseillé le yoga aussi. Il paraît que le yoga c'est vachement bien pour. Ah bah t'es gaulé en plus après. Hein t'es gaulé après en plus. Bah, c'est bien pas forcément d'ailleurs, mais en tout cas c'est physique quoi. Les profs de yoga, ils sont gueulés parce qu'ils font du yoga. Ils font pas des trucs à côté. Non mais le yoga c'est physique. Ils prennent des stéroïdes non les profs de yoga. Ils prennent des drogues. Non mais c'est quoi ces clichés? C'est physique le yoga les gars. Je sais que c'est physique, mais j'avais pas l'impression que ça développait le. Enfin ça dépend ce qu'on entend par gauler après aussi peut-être. Bah en fait t'es beaucoup en gainage et tout, donc enfin tu vois c'est des poses maintenues qui font que t'es pas comment dire, tu prends pas de la masse et tout, mais t'es plus dessiné. Mais ou pas d'ailleurs, on s'en fout, c'est même pas forcément pour ça qu'on fait du sport. Mais toi, tu fais quoi, Justine, quand tu es un peu stressée, énervée? Eh ben, un peu comme toi. À partir du moment où moi, je suis dans l'eau, je suis bien. Ouais. Donc, dès que je suis dans la mer, mais pas piscine, tout ça, parce qu'il faut pas mettre ça, j'aime pas. Ok. Mais une simple baignoire peut faire l'affaire ou pas? Une simple baignoire peut faire l'affaire. Okay. Une bassine avec un peu de sel. Peut-être une petite. Oui. Non, rien. Pas, je veux pas t'interrompre. Pardon. Je viens de me souvenir. Si les gares, j'adore les gares. C'est l'endroit où je me sens le mieux au monde. Non, c'est pas une blague. Ouais, c'est pas une blague. Parce que moi, j'ai parlé de Limoges. Limoges, sa gare, vous savez, elle est elle est magnifique, la gare de Limoges. J'avais mais pas. J'adore les gares. J'adore regarder les destinations. J'adore me projeter dans les gens. Enfin, pas physiquement. C'est un truc de malade. Catch. Non, pas du tout. Non, imaginez où ils vont, etc. Pardon. Je voilà. Donc, non, mais. Mais j'entends, Sébastien. T'es prévert pour moi. J'adore les gares. Non mais c'est vrai, mais je comprends. C'est l'endroit où tout est possible, où tu peux te barrer, t'as la possibilité de te barrer, t'as la possibilité de. Tu fais un pas. C'est hop, le voyage. Pour, non mais je comprends. Moi j'adore le train. Allez, j'adore les trains. Moi j'adore prendre le train. Moi j'ai, moi aussi. Et je vivais à une époque, vraiment j'avais vu sur une voie ferrée. Alors le quartier était vraiment pas ouf, mais le truc qui était cool, c'est que je voyais passer de temps en temps l'Orient Express. Ah. Oh. Parce que Gare de l'Est, l'Orient Express, il passe et c'est stylé. Ça faisait pas trop de bruit? Non, ça va. Ça va. Ok. C'était surtout le cadet de mes soucis dans ce quartier. Non, mais en vrai, ça faisait pas de bruit. Mais moi, j'ai un peu ça avec les Fnac aussi, les trucs, d'être un peu entouré de culture. Enfin, de quoi? J'allais dire le grand voyage de la culture. Bien sûr. Oui. Non, mais d'être un peu entouré de. Tu sais, il y a de la musique, des bouquins, des DVD, c'est des endroits que j'aime bien. Et des gens, et c'est ouvert aussi. Avec ma fille, par exemple, quand on fait des balades, on finit souvent à la Fnac, ce qui est pas ouf pour elle. Mais il y a un truc un peu de. J'aime bien l'ambiance et tout. Je comprends. Cool. J'adore aussi avec mon fils aller chez Boulinier. Enfin, il n'y a plus Boulinier, mais aller dans les grandes librairies de la rive gauche, là, chez Apoum, Bapoum, etc. Ouais, bien on sûr. On va feuilleter un peu des BD et tout. C'est vrai que je m'y sens très bien aussi. Ah, c'est très, très ça fait des bons souvenirs. Exactement. C'est curieux, hein. Exactement. Soit créer du lien. Ou avec ces petits bonbons. Attends, mais t'étais en train de dire un truc, pardon. J'allais aller plus loin, c'est-à-dire que là, j'ai découvert la plongée sous-marine. Oh, incroyable! Et mon moniteur de plongée, parce que je passe mes diplômes, elle descend bas, maintenant la petite lopotière. Ah ouais? Elle descend quand il fait nuit ou. T'as quel niveau? J'ai l'open water, donc je vais à 18 mètres. Wow. Et attends, mais 18 mètres, tu vois plus la lumière? S'il fait nuageux, non, mais sinon. Ah ouais, c'est ça, quand même. Et je l'embrasse, parce que je sais qu'il regarde, qu'il écoute le floodcast. Ah ouais? Mon moniteur de plongée qui écoute. M'avait dit quand moi je descends, je me suis rendu compte que tous les problèmes restent à la surface. Oh, et c'est exactement ça. Comme vraiment. Quand tu lâches une caisse, ça remonte à la surface. Tu veux dire, pardon, quand ça sort de ton cul. Ouais. D'accord. Non, mais je voulais préciser. Mais je crois qu'il y a vraiment un truc scientifique ou je sais pas trop qui fait qu'avec la pression et quand t'es sous l'eau et tout, ton cerveau a tendance à pas fonctionner de la même manière que quand il est sur la terre. Ou alors peut-être que ton cerveau il dit on va crever, on va crever. comment c'est possible? T'es focalisé sur un. C'est pas un normal. Je suis sous l'eau et je respire. Donc voilà, ça c'est, je suis aux anges. Moi j'ai fait qu'une fois de la plongée et c'est une de mes expériences préférées de ma vie. Ah, aux Philippines avec ma compagne. Et il y a un. Mais je crois que je l'ai déjà raconté, mais c'est pas grave. T'as dit, il rit. Aux Philippines avec ma compagne, ça m'a fait rire. Je saurais pas être trop dire pourquoi. C'est mon bouquin d'Alexandre Jardin. Aussi, ouais. Et il y a un moment où moi j'avais du coup jamais passé le test. Et au début ils nous font faire des espèces d'exercices. Et j'étais avec une nana, on était deux qui parlaient. Enfin je sais même pas de quel pays elle venait. Et qui était très stressée. Enfin vraiment elle le vivait pas bien. Elle n'arrivait pas. Faut pas y aller là. Non mais tu vois donc elle était avec le gars. Et moi en vérité ça allait. J'étais bien, j'étais très content de le faire. Et à un moment l'exercice était d'aller au fond de l'eau. Donc j'y vais, tu sais t'appuies sur un espèce de truc qui fait que tu libères la pression. Donc tu t'enfonces dans l'eau, ouais. Et je suis assis au fond de l'eau. Et le prof reste avec la meuf. Et donc je reste au fond de l'eau. Et un peu longtemps. T'as fait une pomme. Et j'étais trop bien. Ah, non, j'étais vraiment genre. Oh. Ah, je comprends. Tu sais, il y avait vraiment un truc dans. J'étais assis au fond de l'eau. Donc, déjà, c'est un peu bizarre. Et j'étais tout seul. J'étais pas très profond. Donc, je voyais vraiment le soleil à travers l'eau. Et en plus, je voyais la personne qui galérait. J'ai dit, putain, moi, je suis bien, je suis serein. Je suis le maître du monde. Et j'étais au fond de l'eau. Je suis Jacques Mayol. Ouais. Et le gars est venu me chercher après. Et c'était trop bien. Mais ça, j'ai vraiment kiffé ça. Mais c'est un nouveau monde s'offre à toi, c'est incroyable. C'est-à-dire que nager sous l'eau longtemps, c'était trop bien, mais même être au fond. Mais je comprends, parce que je faisais ça quand j'étais petit dans les piscines. Ouais. Mais je me faisais couler au fond et je m'asseyais. Ouais, j'étais genre, ailleurs, ouais. Ça fait beaucoup de bien. Ouais. Beaucoup après, de tu chopes des mycoses au trou de balle et tout, mais. Oui, mais est-ce que ça a pas été mon cas, mais. Mais est-ce que ça vaut pas le coup? Eh ben si. Au trou de balle des mycoses, c'est pas des mycoses. Hein. Non, non, mais j'ai pas. Pose-toi les bonnes questions, non, non, mais... putain. J'extrapole, ça m'est pas vraiment arrivé. Non, non, t'imagines, t'imagines. Sur le sgeg, par contre, j'en ai eu. Petite sera sur le sgeg par contre. Pour vos vacances, si vous allez en Allemagne, quel musée plutôt étrange vous pourrez visiter? Musée des crottes de nez? Non. Oh. Non. J'étais tellement sûre de moi. Ouais, ouais. Mais surtout, tu vois quoi au musée des crottes non, de nez? Non, mais il y a un musée de sécrétion, je sais pas quoi. C'est les crottes de nez célèbres ou c'est les crottes de nez les plus. Ouais. Ça, c'est la crotte de nez de Charles de Gaulle. Dis-nous. C'est curé. T'as vu un musée plutôt étrange, hein, c'est plutôt, ça. En tout cas, insolite. Du meurtre. Non, pas le musée du meurtre. C'est un truc. Amsterdam, glauque. J'avais fait le musée de la torture. Torture. Ouais, c'est horrible. Et c'est horrible parce qu'en plus, tu sens que plein de gens le font défoncer ouais. pour rigoler. Bah, c'est Amsterdam. Les gens font Amsterdam de toute façon souvent défoncés pour rigoler. C'est... Oui. La maison d'Anne Frank. C'est horrible. C'est horrible. Ouais. Mais avec les mecs défoncés qui font des selfies devant, etc. Ah, ouais. Moi ces gens-là, j'appelle ça des gangsterdam. Pas de moi, c'est pas de moi. Il danse. Mais non, mais moi, ma meuf, elle voulait. Tu sais, à un moment, donc on a fait le musée Van Gogh qui défonçait, est très super beau. Bien. Ouais, et magnifique. Moi, en plus, j'ai un peu pleuré sur toute l'histoire. Mais parce que j'étais défoncé. Mais j'étais défoncé. Ah oui, ok. Il y avait toute l'histoire sur la relation épistolaire avec son frère. Théo Van Gogh. Elles sont magnifiques, les lettres. Magnifique. Oui. Et tu sais, je les lis et je fais, c'est trop beau. On a acheté le bouquet avec ma meuf. Et depuis, bah, on n'est plus défoncé. Donc on ne l'a jamais lu de toute notre vie. Mais ils misent là-dessus, je pense. Ouais. Les gens achètent des trucs défoncés, après ils font. Et Clara, elle me fait, bon, il nous reste quoi à faire à Amsterdam? Oh, bah le musée d'Anne Frank, enfin la maison d'Anne Frank. Et je fais, ah bah là, ça gâche complètement l'ambiance sympa du. C'est du pas le même mood, c'est bah, sûr. C'est ça, t'y vas pas. Enfin, moi, j'étais vraiment parti pour. Mais il y a quoi dedans? Bah, c'est là où elle était. Oui, d'accord, mais bon, c'est une bah, maison. Quoi. Mais il faut une espèce de mémorial. Mais ce qui est répugnant, c'est pas. C'est le. C'est, non, c'est les touristes. Alors, bon, c'est les touristes, c'est ce qui lui est arrivé aussi, oui, je trouve. Enfin, quand même. Oui, oui. Non, non, je mettais les touristes en dessous. Non, non, Attendez, ne spoilez pas la prochaine vidéo de Thibaut InShape, quand même. Elle était dans cette maison, point d'interrogation. Enfermée 24 heures dans la maison d'Anne Frank. Non, ce qui est atroce, c'est les selfies, c'est le oui, c'est ça, c'est l'activité touristique qui est autour. C'est que tu peux prendre un matcha latte juste à côté parce qu'ils ont fait une espèce de petite cafétéria à l'intérieur. Ah, ça donne bon goût, ça, je trouve. Des petits carnets et tout, les petits. Oui, des petits. Alors, je sais plus, mais il doit y avoir également des boutiques. Mais je crois que l'argent va à l'assaut pour le coût de la boutique. Oui, oui, mais il y a peut-être un truc plus élégant à faire que. Ça, c'est sûr. J'ai rien dit. Ça, c'est sûr. Tous les moyens sont bons. Est-ce que le musée à Berlin, sur l'échelle du creepy par rapport à Anne Frank, il est au-dessus? Ah non, non, non, c'est pas glauque, c'est pas dramatique, okay. C'est juste. Est-ce que c'est un peu mignon? Non, pas du tout mignon. C'est sur un objet? C'est un pas type sur des d'objet? Objets. Non, pas sur des. C'est mais des c'est un type de quelque empaillés. Chose, pas les animaux empaillés. Saurais-tu me passer l'eau? La meilleure nourriture. Saurais, oui, tu es belge. Non, qu'est-ce que j'allais dire? T'allais dire quoi? J'allais dire la nourriture épicée, mais c'est vraiment fou de faire un musée sur la nourriture épicée. Tu t'approches. Ah bon? La nourriture pourrie. C'est sur la bouffe? Alors, t'es pas loin. La nourriture. Les fruits pour les frimoisies. Non, mais. Ah, je vais vous donner la réponse. Bah non, bah non, on va y arriver. Il dit toujours ça. Pas varié, pas moisi. Trop. Plus large, plus largement. Les burgers, la nourriture trop grasse. Non, juste. La junk food. Pas la junk food. Non, vous étiez plus proche. C'est un type de nourriture. Ouais. Ah, le pourri. Le vieilli, le pourri, le maturé, juste le. Plus largement. Millésimé, le millésimé. Non. La nourriture mangée. Entamée. Ah, pas mal. Mais cela dit, c'est une très bonne idée de musée. De quoi? Bah, la nourriture entamée. Mais si c'est des gens célèbres, genre là vous voyez ce burger. C'est Britney Spears qui a tapé dedans. Ça, c'est le culte de la. Mais tu vois faut la photo. Arrêter. Non mais si, ça faut peut arrêter être... avec la célébrité, on s'en branle putain. Mais c'est pas ce ça. Ce culte de la personnalité de mais merde c'est là. Pas ça. Mais ça, genre... c'est beau. Britney Spears elle a mangé. Eh ben on s'en branle. Mais ça dépend si ça elle l'a mangé pendant rien. Qu'elle écrivait Baby One More Time. Bah, j'en ai rien à foutre. Bah moi ça j'aime bien, ça ramène à la vraie vie. C'est quoi, t'es matrixé mon pote. Mais pas. Mais je vais prendre la pilule bleue ou quoi. De la nourriture cuite ou crue? Non. C'est un supermarché. Les recettes, c'est ce que t'as non, mais attends. Fait. Des aliments disparus il y a fort longtemps. Non, mais c'est des aliments détériorés quoi. Il y a une forme de. Pas détériorés. Dans une seule couleur. Non, ça c'est des. Parce que tu dis qu'on est proche quand on dit avarié, ouais. Périmé, le fromage. Non, le fromage. Pas du fromage. Il y a du fromage dans ce musée. Mais... Ah. Ils sont pas avariés, ils sont juste. Avec des croûtes. Pas des produits à croûtes. Vous cherchez trop. Bah, pas appétissant, c'est un peu ça. C'est... De dégueulasse. Oui. La bouffe de la nourriture pas bonne. La nourriture dégoûtante. Le Disgusting Food Museum expose en effet 90%. Alors, attendez. Mais, non, mais quels voir. Sont les critères? C'est hyper subjectif. Parce que sinon, moi, alors, je trouve que c'est regardez, j'ai subjectif. Fait une tarte au caca. Ouais, ça va dans le musée. Oui. T'inventes des trucs. C'est mort de rire. J'adore cette vanne. C'est ça, vanne. Non, mais ce que je suis curateur de musée. Si vous l'achetez un milliard. Non, mais quels sont les critères? Je il y a un peu des critères, ce quoi. Il y a des ongles de pied, des trucs comme ça, c'est pas ça, non? Ah non, mais c'est voilà, ça, c'est ça. Non, mais il y a une vraie chose. Les cheveux. Si c'est l'ongle de pied de Britney Spears, ouais. Chambé. Ça, c'est chambé. Non, mais c'est selon des. Avec des enfants. Justement, vous allez voir. Des cantines. Ça expose en effet 90 recettes du monde entier, jugées horribles par les Occidentaux. Ah, donc raciste. Non. D'accord. Non, non mais musée, si, non, mais quoi le mafé. Là, c'est vraiment par les Occidentaux. Vraiment, il n'y a pas de bouffe occidentale dans le musée, quoi. Les sushis. T'es que non. Non. Alors qu'un bon bœuf bourguignon. Le musée insiste d'ailleurs sur ce point, ce qui est délicieux pour une personne peut-être répugnante pour une autre. Ah. Le dégoût, c'est amusant. Certaines spécialités ne viennent d'ailleurs pas de l'autre bout du monde, à l'instar du hareng pourri. Ah. Poisson fermenté suédois ayant la pire odeur du monde, ou du casumastrou, un fromage contenant des asticots vivants très prisé en Sardaigne. Oui. Et encore, les visiteurs les plus vaillants se voient offrir une dégustation de 12 mets à la fin de la visite. Celle-ci commence par le Biergeil, un apéritif allemand à l'arôme de glande anale de castor. Non, bon, bon bah de quoi, quoi de glande anale de castor. C'est ça, c'est bien ce que j'avais compris. Bah, toi, les glandes anales, toi, t'as jamais eu de petit incident hein, des glandes anales de ton chien, je veux dire. Ah, je croyais que c'est toi qui étais. Parce que c'est toi qui étais. Tu m'as vraiment pointé du doigt, t'es pas. Parce que c'est toi qui es chien. C'est toi qui es assis au fond de la piscine en plus. Ouais, la glande anale de castor. Moi, Francky, elle a eu des problèmes aux glandes anales et tout. Non, des fois, il se gratte le cul, c'est tout. Ouais, mais faut. Attention! Parce que ça peut s'enflammer, non, ouais, ça peut. Va, il... Non, en fait, ça se vide. Parfois, il faut leur vider les glandes anales. Ouais, ouais, mais. Ouais, ouais, mais... Ah, on le sait pas, non, mais je le dis parce qu'on le sait pas. Mais on c'est Audrey Pirot qu'on avait parlé dans le podcast. Ouais. Ouais. Alors, moi, on m'a dit qu'il fallait pas faire ça, parce que une fois que tu l'avais fait, il fallait faire tout le temps et qu'en fait, il fallait laisser la nature se faire. Non, en fait, normalement, ça se fait naturellement. Voilà. Mais parfois, il arrive que ça se fasse pas assez et qu'il faille les vider. Mais vaut mieux l'amener chez le véto. Écoutez, je vais dégueuler. Bah, je comprends. Oui, oui, justement, bah, le directeur. Tu dégueuleras d'autant plus si ça se vide sur ton parquet, quoi. Je te préviens. Le directeur du musée explique que le lieu voulait enseigner la tolérance. Plus nous exposons à des choses qui nous effraient ou même suscitent le dégoût, plus nous commençons à comprendre comment nous pouvons établir des relations positives avec elles et quels avantages elles nous procurent. J'aime bien justement. Qu'ils, c'est pour la tolérance, mais ils appellent ça la bouffe dégueulasse. Bah, peut-être un autre nom. Mais du c'est coup, ça, genre glande anale de castor, machin dégueulasse, tu goûtes, et bah pas si mal. Je crois que c'est ça le but du musée. Après. Non, la publicité, c'est dire, Boyard, c'est dégueulasse. Inventé, oui, c'est un peu Fort Boyard. Et les bronzés, t'as raison, les bronzés font du ski. Est-ce que vous avez souvenir d'un truc touristique pas ouf que vous avez fait en vacances? Un truc où vous dites, oula, il fallait juste s'occuper et j'ai fait ça. Ah oui, oui, à Budapest, il y avait l'exposition, vous vous souvenez, avec les gens plastinés, là, avec cette technique où il y avait, qui était interdite en France, en fait. Tu peux expliquer ce que c'est? Oui. Alors, grosso modo, c'était une exposition qui se proposait de découvrir le corps humain sous un jour nouveau. Et donc, pourquoi t'as changé de voix? Et donc, parce que j'ai une allergie, j'ai le nez plein, en fait. Je sais pas quoi faire. Donc, désolé d'avoir changé de voix, mais c'est toujours moi. Qu'est-ce que je disais? Donc, c'est découvrir le corps humain sous un jour nouveau, donc avec une méthode de plastination, plastiné. Ouais. Et donc, ils mettent du. Michel Plastini. Ils mettent un genre de plastique dans les veines, dans le truc, dans le machin. Et donc, tu peux voir le système nerveux au complet. C'est des découpes, c'est ça? Ah ouais. Avec des découpes, des trucs comme ça et tout. Expo interdite en France parce qu'il y avait un problème autour d'un sujet gravissime, c'est qu'on ne sait pas exactement d'où viennent les corps qui ont été utilisés. Et donc, moi, j'y suis allé, j'étais beaucoup plus jeune et insouciant à l'époque. Je brûlais la vie par les deux bouts, quoi. Merde. On a tous fait des conneries, quoi. Attends, tu rigoles ou quoi? C'est quoi? C'est un tribunal ici ou quoi? Est-ce que alors, tu vois coupable. Un marteau dans mes mains? Est-ce que tu vois un marteau? Bon bah non, alors voilà. Et donc je me suis dit, tiens, Budapest, allons voir cette expo interdite partout, c'est l'occasion ou jamais d'y aller. Et en fait, c'est atroce, tu te sens très très mal très rapidement puisque tu vois des enfants malgré tous les. En fait, c'est voir des enfants face aux choses, c'est toujours pareil. Moi, je me rends compte que c'est atroce, que c'est obscène à partir du moment où je vois les autres en train de faire quelque chose. Et voilà. Ouais. Et donc, regardez ça, c'était obscène. D'autant plus qu'il paraît que c'était des corps qui ont été pris dans des fausses communes. De prison en Chine, donc vraiment avec zéro autorisation, aucune traçabilité possible, etc. Et mis dans des positions, c'est-à-dire remis en scène de leur propre mort en train de faire semblant de faire un lancer de javelot, en train de faire des trucs, des machins, des trucs grotesques. Donc en plus, comme les rats à Paris, c'est, là. C'est, oui, exactement, exactement. Comme dans le dîner, enfin, Dinner for Schmucks. Ouais, ouais, c'est exactement, ça. De cet acabit. Et après, je suis sorti de là hyper mal, évidemment. Et il se trouve que juste à côté, il y a le musée de. Alors, pas de la torture, mais de la collaboration. Ah, voilà. Et je suis pas musée de cette aussi. Bon, je vais m'arrêter. Ça fait un gros samedi. Ça fait beaucoup trop de trucs. Ouais. Ouais. Le musée avec les gens plastifiés là. Y a c'était des expos qui faisaient le tour du monde. Ah, ok. Mais il n'y a pas un gift shop du coup. Tu peux acheter des petites figurines. J'en ai aucun souvenir. Un orteil plastifié, oui. Quelque chose. Très franchement, je me souviens très bien m'être assis en sortant parce que ça m'avait coupé les jambes. Ah, ouais. Les visions sont. Ah, bah du coup, ils ont pu les exposer. Oh, il est con ce mec. Je rigole, rassure-toi. Je suis en train de m'ouvrir en deux. Enfin, je raconte un truc qui me fout les poils quoi, à moi-même. Je m'auto-émeux et tu me. Je m'auto-émeux. Tu sais, pour faire un jeu de mots. Waouh. C'est ça le podcast. Excuse-moi en fait, de vouloir mettre un petit peu de couleur sur la noirceur du monde. Toi, Justine. Moi, j'ai. Alors, j'étais en Inde et ah, c'est vraiment. La fiasse. Bon, déjà, oui. À chaque fois, j'ai dit que j'étais en Inde, systématiquement, tu dis ça. Tu dis, qu'est-ce qui m'attend en Inde? Je fais, bon, la chieuse, très clairement. Non, mais attends. Oui, c'est vrai. Alors, ce n'est pas un mythe. On coupera si tu veux, mais je dis ça parce que j'ai regardé un truc de Davy Mourier où il parle d'une anecdote de toi, ouais. Où t'avais tellement la chiasse que c'était genre de l'eau transparente, oui, quoi. Oui. Et oui. T'avais appelé ta pote pour venir voir. Okay. Et elle avait voilà. Énormément ri. Voilà. Et bon, puisqu'on va jusqu'au bout, ce qui était très drôle, c'est que c'était de l'eau minérale. Mais ouais. Vraiment, c'était nickel. La San Pellegrino, quoi. Je sais pas comment vous dire, ça ne m'est jamais plus arrivé ailleurs que dans ce pays. Tu me diras ça, on peut. Oh, écoute, je suis généreuse. Ah, voilà. Et du coup, je suis en Inde. Et avec ma pote, on veut aller voir l'ashram des Beatles. D'accord. Donc, c'est quoi pour. Alors, l'ashram, c'est une sorte d'endroit où les gens. T'as plusieurs ashrams, il y en a des très sectaires, comme il y en a des cools. Tu dis, ah, je vais faire un ashram de yoga. D'accord. Ah, bah, je vais faire mais un ashram. Mais c'est quoi un ashram pour les gens qui savent pas Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Ah, pardon, excuse-moi. Une sorte d'endroit, faut dire, de camp. Tu oui. vois, où okay. les gens se retrouvent avec une passion d'accord. commune. Très bien. Il y a par exemple des. Bon, voilà, ashram yoga, ashram bouffe, ashram tout ce que tu veux. Et donc, les Beatles, pour aller créer je ne sais plus quel album, sont allés. Plusieurs mois en Inde, ben oui. se droguer énormément surtout, et méditer justement, etc. Et c'est un lieu qui est complètement à l'abandon. Et en fait, pour y aller, déjà, c'est extrêmement compliqué. On s'est retrouvé en pleine saison des pluies dans un endroit en fait qui est vraiment très, très, très, très désagréable, on va dire ça comme ça, ouais. très hostile. Et en fait, une nuée de moustiques est arrivée. Ah oui. Et on s'est fait littéralement. Dévoré, ouais. défoncé par les moustiques et on est reparti. Et j'ai regretté. Ah oui, d'être allé. Ah ouais. C'était très étrange quoi. C'était pour l'album, le White Album, tout simplement, des Beatles. Voilà. Mais tu peux retrouver des chansons dans Abbey Road et Let It Be. Voilà, non, mais merci je vous Flo. Non, mais voilà. Ça, ça sort de sa tête. Hein. De mémoire. Sachant que je ne savais pas ce qui était un ashram. Je crois que l'anecdote sur la chasse était beaucoup plus intéressante que l'ashram des Beatles. Prends tout. Vraiment. Mais gros séjour en tout cas, moustiques, chiasse. Ouais, bah c'est l'Inde. Hein. Ouais, c'est déroutant. Toi, Adrien ? Non, moi je sais que j'ai fait deux road trips dans l'ouest des États-Unis. Mais je suis la seule personne apparemment qui a eu parce que à chaque fois on me dit alors t'as vu le Grand Canyon et je fais ouais et on me dit c'est incroyable non et moi vraiment j'ai été déçu je suis allé au Grand Canyon et j'ai fait je sais pas pourquoi tous les autres trucs je trouvais ça trop bien mais le Grand Canyon je l'ai vu j'ai fait oui ok moi j'ai eu la flemme d'aller au Grand Canyon je l'ai vu et j'ai fait c'est cool mais en fait je sais pas j'ai de le voir en vrai enfin en fait tu l'as tellement vu ouais que je sais pas dans ma tête il y a pas eu un truc de oh je le vois en vrai que tu vrai, le découvres pas en fait ouais il y a eu un truc où je fais oui bah c'est ce à quoi je m'attendais quoi moi j'ai eu ça avec la Tour Eiffel quand je suis arrivé à Paris quoi ah il est très chauvin pardon j'allais quand même pas l'engueuler d'aimer son pays enfin, c'est encore autorisé je crois ouais il me semble et non mais tu vois j'étais là genre oui bon sympa mais ouais. ça m'avait pas tu vois Et sinon je suis allé à Bruxelles je suis allé au musée de la BD j'étais déçu aussi ah oui mais c'est parce qu'il est pas terrible honnêtement il est vraiment mais moi on m'a dit tu vas voir le musée de la BD ouais. toi t'aimes la BD attends t'aimes la BD toi non tes dessins là au musée de la BD je suis allé c'est Thomas VDB qui t'a conseillé non mais il y a le musée des instruments de musique qui est beaucoup plus joli dans un bâtiment Eiffel le musée Magritte qui est beaucoup mieux oui bon enfin tu vas pas me faire la liste de tous les musées qui sont mieux quoi je t'ai dit que j'étais déçu mais c'est l'été il y a peut-être des gens qui partent en vacances c'est vrai et si vous allez à Kyoto n'allez pas au musée du manga d'ailleurs. Ah, c'est pas ouf. Bah, c'est pas ouf. Non, ah, c'est, ouais, c'est plein de mangas. C'est une grande médiathèque. Oui, voilà. Avec beaucoup de Français. Ah, oui, c'est ça. Qui regardent Dragon Ball. Ouais, c'est ça. Je fais un peu un petit peu un raccourci. Ouais, mais c'est ok, c'est ok. Mais en vrai, c'est vraiment ce qui se passe là-bas. Non, mais le musée de la BD à Bruxelles, je trouvais qu'il y avait pas beaucoup de trucs à regarder et pas beaucoup de. Moi, j'aime bien voir des planches originales, par exemple. Je crois qu'il y en avait pas beaucoup et qu'il y avait des grands espaces où ils te montraient genre. L'œuvre d'une personne, mais c'est genre des agrandissements de planches, quoi. Tu vois, oui, bah, je m'en bats les couilles, j'ai envie de voir un peu des trucs que j'ai jamais vus, quoi. C'est marrant, moi j'ai fait le. Nul! Le labyrinthe Tim Burton qui est à Paris en ce moment. Moi aussi. Et j'ai été un peu déçu. Ah bah oui. Parce que. En même temps, ça a l'air nul. Non, mais alors, en fait, il y a deux choses. C'est un peu un attrape-nigo, si ouais, je puis me permettre. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis très fan de. En plus, ça dit, vous allez voir ses dessins originaux, etc. Non, mais t'as aussi des costumes, des trucs, mais c'est beaucoup autour de ses dessins et son imaginaire, quoi. Ah, ok. Donc moi, je fais, ah, cool, mais. C'est noyé dans un espèce de concept pas ouf faux labyrinthe parce qu'en vrai toutes les portes mènent un peu au même truc. Alors non, j'ai pas vu la salle Batman. Alors moi j'ai réclamé. Ah oui, j'ai dit je veux la salle Batman. Non, mais je suis allé voir, j'ai fait parce qu'en gros ils te disent c'est nul comme idée. T'as 8 pièces avec ces films et ils disent il y a 2 pièces bonus, faut tomber dessus. Mais bah, si tu demandes au début, tu dis pardon, moi j'aimerais bien voir j'ai payé, Batman. En fait. Donc, donnez-moi. Et t'as payé 26 euros en plus. Hein. Ouais. ouais, c'est un peu chiros. Mais quand tu demandes, ils t'amènent à la salle. Après, ils te disent où aller. C'est quand même bien à l'image de Tim Burton, quoi. Je suis farfelu. Dans la labyrinthe. Oui, bon, allez, montre-moi où c'est. C'est en ça où je trouve ça un peu effectivement attrape-nigo. Oui, c'est un attrape-nigo, clairement. Les souvenirs sont hors de prix en plus à la sortie. Ouais. Mon fils était ravi. Mon fils de 6 ans et demi a adoré. Mais t'as les costumes, les trucs, ça c'est chouette. T'as la musique à fond. Il aime Tim Burton de base, oui. Non, il aime les monstres, il aime les trucs un peu bizarres. Oui, et tout, il était ravi. Ouais. Mais bon, après, moi quand j'étais petit, je suis allé voir Spawn au cinéma 2 fois, donc c'est pas forcément de très bon goût, quoi. Ah, ça. Mais c'est là où tu crées un peu ton imaginaire aussi. Mais effectivement, c'est noyé. En fait, le concept de montrer ses dessins et tout, je trouve ça trop cool. Ah, oui, trop bien. Mais c'est vraiment noyé dans un espèce de truc concept. Un peu, ouais. Après, on en fait des caisses sur les dessins de Tim Burton. Mais c'est il serait pas connu, on dirait oui, c'est bien. Oui, mais d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'il y a toute une salle où tu vois ses dessins. En gros, c'est vraiment présenté comme les dessins où il se faisait chier en réunion, quoi. Tu vois, ou quand il est au téléphone. Et, ouais, et c'est le burger de Britney Spears aussi. Bon, c'est bon. Non, mais ce qui est très marrant, c'est que c'est des espèces de strips, tu vois. Mm-hmm. Mais où tous, c'est des mecs qui sont constipés. Et en fait, il a tout un truc, et c'est trop marrant de dire oh, Tim Burton, machin, il fait des dessins de gars qu'on la chiasse. C'est vraiment uniquement ça. Ah non, justement. Non, mais tu vois, il y a un moment, genre. Oui, oui. Le caca, quoi. Ouais, c'est ça, l'invité. Bah, ça a dû te plaire. C'est... Non, mais je sais pas ce que tu crois, en fait. J'ai l'impression que tu m'as catalogué quelque part, et je peux plus en sortir. Non, c'est mais bizarre là, que tu m'as mis une étiquette, là. C'est pas moi, depuis quand même. Là, autour de cette table, on pense tous que t'es un fou de blagues de caca, quoi. Et c'est fou, alors que pas du tout, je sais même plus pourquoi, parce que j'ai dit les quoi. Ah oui, par rapport. Oui, les crottes sont là, t'as ri aux larmes. Moi, j'étais vu te taper sur la jambe. Ouais, sur les cuisses. Et te secouer un peu le ventre, comme ça. Donc, c'est et tu disais, mais c'est pas vrai, d'un truc aussi drôle. Grosse tasse, quoi. Ce qu'il a dit. T'as dit, oh là là, ce qu'il a dit. Ouais. Bonne réponse d'Amanda Lear. Madame Belle-Père de Loche. Ah, le bon vieux temps. Allez, on pourrait plus dire ça aujourd'hui. L'amiral. On pourrait plus dire ça aujourd'hui. Alors, vous êtes bourré? Oui. La compagnie américaine Ponix. Vous parliez de chien tout à l'heure. A créé un accessoire pour les chiens très utile. Ponix. Ah, ça doit être des prothèses cybernétiques pour animaux. Non. Waouh, ça va. Je sais pas. Non, ça s'appelle Ponix. Je sais pas, ouais, Po, les pattes et Nix. Je sais pas, ça fait un non, peu. Non, c'est pas un truc. Par contre, je rebondis là-dessus. Bon, j'étais un peu fatigué cette semaine. Et je suis tombé par hasard sur un documentaire sur Jean-Luc Reichmann à 1h du matin. Non, par hasard. Non. Pas une once de moi ne pense pas que t'es tombé dessus par hasard vraiment, et tu l'as regardé. Je quittais MyCanal, je suis tombé sur TF1, bon bref. Et il parlait de son chien. Il a un chien à 3 pattes, Jean-Luc Reichmann. GG à lui. Et il en parlait avec beaucoup d'émotion. Et vraiment, j'ai été pris dans le truc de. Oh. Bah oui. Vraiment, il était trop mignon avec son chien à 3 pattes. Bah oui. Voilà, donc voilà. Il n'a pas de chien, il lui a pas rajouté une patte cybernétique. Bah ouais. Contrairement à Simone Yetch, qui est une meuf qui fait des vidéos sur YouTube et qui est genre une inventeuse qui construit des trucs, et elle a construit justement c'est pas une prothèse cybernétique, mais c'est genre elle a un chien à 3 pattes. Okay. Et en gros, elle a construit une espèce d'armature pour la patte arrière unique de sa chienne. Pour que, en gros, ça l'aide à marcher et qu'elle facilite. Moi, je vais pleurer. Voilà, j'avais bien fait avec des Lego même. T'as un espèce de truc, toi, ça va t'énerver. Je vois son regard. Non, non, non, mais j'ai rien dit. Mais Lego avait même fait la promotion de ça. C'était quelqu'un qui avait il a fait exploser le film Oppenheimer devant moi. Là, qui avait vraiment construit la jambe en Lego pour son chien. Et le truc était un peu avec aussi, c'est pas que du Lego, il y avait des trucs mécaniques. Et c'était relié au, pas au nerf, j'y connais rien, mais au, au muscle qu'aurait demandé le haut de la jambe. Bien sûr que non. Pour le bas de la jambe. Et ça marchait pas mal. La vidéo était assez impressionnante. Ok. Ouais. Je sais plus de quoi on parle. Ponyx. Ponyx. Il a inventé un accessoire pour les chiens qui est très utile. En tout cas, moi, j'ai pas de chien, mais de ce que je vois des chiens, je pense que c'est très utile. Pour lire dans leurs pensées. Pour les retrouver quand ils fuient. Non. Pour se gratter, ça existe, pour se gratter derrière l'oreille. GPS. Non. Bah il moi se gratte derrière l'oreille aussi, non. J'ai un petit Apple, j'ai un AirTag sur le. T'as un AirTag sur ton chien? Sur la le harnais de Francky, il y a un AirTag. Ah ouais, mais c'est très cher le AirTag, non? Non, pas du tout. Ah ouais, je croyais. Alors là, une belle connerie que tu viens de dire, tu vois. Ah, je me suis ridiculisé. Non, c'est PAWNIX. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec le nom ouais, de le nom, l'entreprise. Le nom va pas vous aider. C'est une très mauvaise piste, je pense. Je ne savais pas ce qu'il y a dans ma caboche. On imagine. C'est moi, je connais tous les préfixes, tous les suffixes, donc déjà Paul, la patte. Nixon. C'est pour que, l'orientation politique de ton chien pour connaître. Ok. C'est un truc qui permet de traduire ce qu'il pense. Non, il l'a dit déjà. Enfin, Justine. Il l'a dit. Il a parlé de jambes en moins. J'ai dit lire dans leurs pensées. J'ai dit. Oui, bon, oui. J'ai oublié. Excusez-moi, je suis pas concentré. L'orientation des chiens. Non, ça paraît. Là. L'orientation des chiens. Genre dans ça. Ouais, par exemple. Boussole. Non. C'est ça un rapport avec SpaceX. Non. Genre pour les trimballer quelque part. C'est pas. Pour c'est pour des fusées, par exemple. Rapport avec Squeezie. Non. C'est pour savoir si ton chien, est-ce que c'est bon pour lui, ça, la bouffe. Ah oui. Quoi, je me casse. C'est un même. Non, mais il vient de dire un même de Squeezie. Je sais pas si vous l'avez. Non, c'est quoi? Il dit, est-ce que c'est bon pour vous? Ah ok, bravo Adrien. Il s'est barré, non mais il s'est barré, il reviendra jamais. Il va au bout de sa blague. Ok, ça marche. Voilà, c'est Kaufman ce mec. Anti Kaufman. Est-ce que c'est quelque chose qui permet de les laisser seuls et je... Comment? Non, je parlais à tout droit. Est-ce que c'est quelque chose qui permet de les laisser seuls et ça les occupe, tu vois, tant que le maître n'est pas là? C'est pour savoir si les chiens d'en face sont agressifs ou pacifiques. Non. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que ça... Mais vous cherchez des trucs assez difficiles, je trouve. C'est avec une laisse, c'est un rapport avec la laisse. Pas la laisse. Est-ce que ça améliore le bien-être du chien? J'en ai bien l'impression. Un collier qui sent bon pour les parfums de chien? Non. C'est horrible parce que j'aime. Ah, des bruits blancs. Surtout que je crois qu'ils aiment pas les odeurs. Enfin, ils sont très... Est-ce que c'est une sorte de... Pour son confort? Ouais. Une sorte de panier, quelque non. chose de, pour le masser ce... Non. Par rapport aux besoins, par rapport au fait de faire ses besoins? Non, pas faire ses tout de suite. Okay, alors okay. Ça, c'est tout cède. La nourriture. Tu vois? J'invente rien. Comme par hasard. Pour manger, non, c'est un rapport avec la nourriture? Pas la nourriture. Les câlins? Alors, en réalité, c'est pour son confort. Mais pas H24, son confort pendant des événements très particuliers. Ah, le train, pour y avoir un cache-œil. Un cache-œil pour le bruit. Pas un cache-œil, mais on s'approche. L'invention. Pour le bruit. Non, mais on s'approche. Pour le bruit. Oh! Réduction de bruit. Les feux d'artifice. Réduction de bruit. Alors, réduction de bruit, feux d'artifice. Un casque à réduction de bruit pour les feux d'artifice. Bah, c'est. Oui, c'est ça. Ah bon? Alors, attendez, je vais. Mais j'achète. Bah, plus d'enthousiasme. Surtout que moi, je. Non, mais attendez, parce que. Moi, je vis à un endroit où il y a des feux d'artifice toute l'année. Bah écoutez, c'est... je sais pas ce qu'ils branlent les gens. Non, non, les gens. Oui, c'est des trucs de la street, un peu. Il paraît, mais j'ai du mal à croire. Ah ouais, ouais. Regardez ce petit casque. Oh, voilà. Oh, on le met sur le chien. Il est trop mignon. Et donc, ça, c'est parce que j'y ai pensé, parce que je sais qu'Adrien, son chien. Mais juste, ça leur bouche les oreilles, en gros, quoi. Elle va l'enlever, elle va faire tink-tink et c'est terminé. Ah, ça dépend. Ça dépend. Le concept est né d'un malheureux événement survenu à Emma, une chienne parmi tant d'autres, qui s'est échappée au cours d'un feu d'artifice du 4 juillet. Parce qu'effectivement, Ponyx est une invention américaine. Bien sûr. Donc voilà, fête nationale états-unienne. Date à laquelle les statistiques de chiens en fuite explosent de façon exponentielle. Le site partage, comme beaucoup de chiens, Emma a peur de toutes sortes de bruits forts, alarmes, motos, orages, feux d'artifice. Et selon le Journal of American Veterinary Medical Association, 30% des chiens souffrent d'une forme d'anxiété liée aux orages. Ah, de fou, hein. Et 86% des chiens souffrent de phobie de l'orage, développant une anxiété de séparation, dites-vous. Tout simplement. Tu veux dormir. Au-delà des bruits de feux d'artifice, le fameux casque baptisé KB de la firme vise à. KB Nueve, j'imagine. Comment? Non, t'as pas la ref. Non, ok. la firme. Très rapide. Non, mais c'est Karim Benzema, KB, ah oui, KB voilà. Nueve. Mais non. De façon générale, les nuisances sonores à hauteur de moins 30 décibels, les casques sont reliés aux appareils connectés des propriétaires pour gérer la suppression de bruit qui pourrait... c'est vraiment un truc où qui c'est peu. Vraiment un casque, okay, ouais, d'accord. C'est comme le Bose là qui enlève les bruits. Avec le filtre à air là, le truc vous avez vu ah non, ce truc là, Dyson, ça, c'est Dyson ça. Ouais. Et ça c'est ou quoi qui... Non mais c'est Ah, je sais pas. Tout le monde a dit ça, que c'était Ah ouais. Bah en fait, il y a une t'as un piège dans Saw, le film d'horreur, qui ressemble vraiment à ça, quoi. Qui ah ouais. C'est le fait que ça te prenne la bouche qui, je trouve, est très visuellement. Faut l'assumer, hein. C'est ridicule, ouais. Hein, quand même. Mais je suis toujours très admiratif des gens qui font le pas, tu sais, les premiers à mettre des écouteurs. Early adopters. Ouais. Ouais. Tu vois. C'est ça. Est-ce que vraiment, ça va vraiment prendre, ça? Parce que moi, je me souviens, parce que j'ai un flair, j'ai un blair, j'ai un pif. Quand Apple a sorti les AirPods sans fil, je disais, ça c'est ridicule, tu vas le faire tomber, ça va. Alors qu'il y a des casques sans fil, des AirPods, ridicule. Et bah, le monde m'a prouvé plutôt l'inverse. Je crois que la société Apple se porte plutôt ça bien. Va, oui. Voilà. Donc non, moi je ne juge plus les inventions. J'ai mais t'as l'air croire. Con quand même. J'ai du mal à croire que ça puisse marcher. Ce mais t'as le droit de sortir avec. Non, c'est chez toi. Enfin, non, c'est, pas dehors, c'est pour dehors. Dehors. Non, mais le casque se sépare du truc pour respirer. Mais est-ce que dehors tu prends le truc bah, à respirer? C'est ah, oui, c'est oui. Ah, ouais, d'avoir ça moins filtre, la pollution. Ouais, ah, oui, plutôt que de régler le problème de la pollution, du coup on filtre l'air. C'est hyper malin en fait. Ouais, et on le fabrique en polluant énormément. Du coup, c'est assez génial. C'est vrai que c'est y a forcément du plastique et des. Ah, ouais, bah, c'est sûr. Forcément du plastique. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, l'objet de Ponyx, l'objet se décline en plusieurs tailles pour toutes les circonférences de crâne, selon la race de votre chien. Et est vendu au prix de 184€. Ah, on s'en met un pas. Ah. Des boules qui est, des boules qui est à 184€. Bah oui, enfin fourre des boules qui est dans les oreilles de ton chien, je pense que. Mais le mien n'a pas peur des bruits des oreilles. C'est vrai, il a pas peur de. Il s'en fout complètement. Ah ouais. Donc. Même je l'ai déjà vu, il ricane un peu. Ouais, mais tu vois, il dit si c'est, tu vois, si c'est lié au truc d'abandon et tout, peut-être que tu vois, c'est les chiens qui ont été adoptés ou les chiens qu'on. C'est ouais. Pas pareil, peut-être. C'est possible, c'est possible. Je sais pas. Vous pourriez l'acheter pour vos animaux, parce que toi, je sais que Francky aime pas du tout les oreilles. Ouais. Vraiment, chien, hein, mais ouais. Vraiment peur. Même là, dernièrement, il y avait des bruits. En gros, il y a eu un truc au Bourget, là, un truc d'avion. Ouais. Et du coup, les avions s'entraînaient dans le et ciel. Top Gun. Et flippaient de ouf. Même là, les essais du 14 juillet avec les avions et tout, tu vas te régaler. Hein. Bah, ouais. Oh non, mais tout. Ouais. Puis même, je dis, il y a régulièrement des feux d'artifice dans mon quartier. Elle déteste ça. Après, le chien. Mais elle fait des progrès. C'est ça que j'aime bien. C'est qu'elle a de moins. Des fois, elle est sur le canapé, il y a des feux d'artifice, et elle fait. Bon, ça va. Avant, elle fuyait dans la salle de bain, quoi. Ah ouais. Mais surtout qu'elle a. Parce que faut le rap, les gens doivent le savoir, mais toi, tu l'as adopté, et c'était un chien qui était à La Réunion, donc qui a vécu dans la nature pendant. Possiblement. Enfin, ouais. Dans la. On sait pas, en fait. Ah oui, mais d'accord, possiblement un chien de la street, quoi. Oui, voilà, c'est ça. De La Réunion, Lille. Absolument. Non, non, elle était à une réunion de sa boîte en fait. Et puis elle est sortie, je fais je vais l'adopter. Ouais, bah elle avait des très mauvaises relations avec elle le CE. Elle était DRH avant. Ouais. Elle était DRH. Et je lui ai dit, mais attends, mais tu sers le capitalisme en fait, viens plutôt chez moi. Et je me souviens qu'elle a elle fait. Elle a fait, écoute, je jouais. Ouais. Où tu veux venir? Moi, depuis le confinement, je me suis rendu compte. En fait, mon bureau, c'est la planète. Non, mais l'île de la Réunion, absolument. Et non, on sait pas ce qu'elle a vécu avant. Mais pas certainement un chien de la rue. Ouais. Effectivement. Et vous achetez des trucs pour vos animaux? Genre. Non, mais il y a les jouets, mais il y a. Est-ce que vous achetez des manteaux anti-pluie ou mais des. Mais oui, des tapis de refroidissement, des trucs. Ah, ça, okay. Moi, elle s'en branle, tapis de refroidissement, elle s'en bat les steaks. Ah, mais t'en as acheté un quand même? Oui. Enfin, oui, on en avait acheté un, mais vraiment, on a vu qu'elle s'en foutait. Donc, okay. J'en ai pas. Et manteau de pluie, manteau d'hiver, mais tout bien ça? Bien sûr. Oui. Non, mais parce qu'à une époque, c'était. Alors après, c'est peut-être aussi parce que moi, je viens du fin fond de la Bourgogne. Et c'est des gens peut-être un peu plus ruraux, disons. Mais j'ai l'impression que les gens trouvaient ça plus ridicule avant et que maintenant c'est assez accepté qu'un chien ait un manteau, qu'un chien. Est-ce que je fabule ? Peut-être que je fabule. Non, non, non, mais je pense, ouais, mais il y a toujours des gens qui trouvent ça ridicule. Mais peut-être à l'argument de bah, attends, c'est une bête, elle sait se gérer, ça a des poils, etc. etc. Ouais, mais bon, c'est. Enfin, en fait, c'est. Tu vois des chiens dans la rue qui sont en train de trembler parce qu'ils ont froid, donc tu dis bah sinon on lui met un manteau et il tremble plus. Enfin tu vois, il y a un truc vraiment très simple. C'est ce que t'as envie de dire, tu dis oui, c'est la nature, mais la nature fait qu'il tombe malade quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, si tu peux éviter des ça. Des animaux peuvent crever de froid en fait, donc peuvent avoir juste froid, et si je peux éviter qu'il ait froid, je lui mets un manteau. Ça y a pas de. Enfin tu vois, c'est pas des loups non plus, je veux dire, c'est pas des animaux sauvages. Oui, c'est ça, c'est pas des animaux sauvages. Voilà, c'est pas des animaux, c'est des animaux qui ont été modifiés au fur et à mesure. Oui, c'est ça. C'est. Tu vois, c'est comme si on disait, bah attends, les hommes préhistoriques, ils mettaient pas de vêtements, donc nous on est là, ils mettent un manteau. Bah, c'est pareil en fait, oui, on a froid en fait, c'est pas pareil. Moi je pense ça, quand je vois des gens avec des manteaux, je fais on peut plus rien dire. On pas mollo là. Et c'est quoi le truc le plus fou que vous ayez acheté pour votre chien? Toi t'as pas d'animaux de compagnie, Seb? Non. T'as pas eu chien, chat? Si, j'ai eu un petit chien, un Westie Island il y a très longtemps. On va deviner son nom. C'est ma sœur qui l'avait trouvé, Alison Chassagne, qu'on embrasse bien sûr. Bien sûr, mais qui est déjà venue avec. Alors lui, il s'appelait, son nom de naissance c'était Nato. Le youtubeur. La youtubeuse. Ah oui. Mais non, Nato. Oui, bah oui, bien sûr. Oh, bien sûr. Ah, bah moi, je l'avais. Merci, Flo. Mais ma sœur a changé. Elle était petite à l'époque. Hein. On est en 97. Elle l'a appelée avait... Pompon. Elle avait 11 ans, ma sœur, je pense. Elle l'a appelée Totally Spies. Non. Vraiment basique de Sébastien, chien. La Fido. Ce qui est trop bizarre. Non, vraiment un chien. Nom de chien basique. Pollux. Rex. Non, nom de chien basique, je viens de le dire. Bah, Pollux, c'est. Nom de chien basique, il s'appelait vraiment. Ah. On a mis tellement de temps à comprendre la blague. On a vu que tu nous engueulais. Mais je vous engueulais de pas comprendre, en fait. Ce sera le possible. Titre de l'épisode. Nom de chien basique. Non, pas du tout. Alors, nom de chien, un nom de chien basique. Le premier. Fido. Non, un autre. Sultan. Oui, un peu plus con encore. Enfin, Rex. Plus con. Pépère. Non. Doudou. Bah, de cet acabit. Pascal. Gribouille. Pascal. Non. Idée fixe. Non. Non. De tout mignon en deux syllabes. Ah. Pipou. C'est bien trouvé. Tommy. Presque. Toby. Avec le, voilà. Ah bah c'est le nom de chien de ma mère. Allez, bravo. Ah, ça, je savais pas que c'était un nom basique. Si, ouais, je vois. Il y avait beaucoup de Toby dans les chiens. Toby le chien. Ah, c'est dans quoi? C'est dans Vanilla Sky, ça, je crois. C'est possible. Toby le chien. Très bon film, Vanilla Sky. Pardon, excusez-moi. Non, mais il n'y a aucun problème. Je peux pas m'empêcher. Ça remonte. Je peux pas m'empêcher. Donc, quoi, le truc le plus fou que vous ayez acheté pour votre chien? Truc le plus fou que j'ai acheté pour. Bah. Ton chien avait quand même sa propre caméra quand tu faisais du Twitch à une époque. Non. À l'époque, non. Maintenant, en fait, j'ai acheté, mais c'est pas pour mon chien, mais c'est vrai que je m'en sers pour. C'est que j'ai acheté en plus de ma webcam principale, j'ai une cam. Merde, comment ça s'appelle ? Bon, bref, dash cam. Mais les cams qu'en fait tu peux contrôler l'orientation et le zoom de truc. Donc en fait, j'ai des positions préenregistrées. Donc je peux changer, j'appuie sur un bouton, c'est sur le panier de Francky. Une autre position, c'est sur le pouf de Francky qui est à côté de moi. Et donc je peux avoir une cam. Pas mal. En vrai, je m'en sers uniquement pour montrer Francky. Clairement, c'est uniquement pour ça. Tu montres Francky? Non, pas trop. Je suis assez discret là-dessus. Non, bah je lui ai acheté son propre canapé, quoi. Ah, son ça, petit c'est canapé, mais qui est son panier en fait. Mais qui est même qui est de la déco, moi je trouve. Bah, c'est ça. Toi. C'est magnifique. Parce que les paniers pour chiens, c'est quand même assez moche. Ouais, ouais. Et là, du coup, bah il y a un côté, elle l'aime bien et en elle plus, l'aime c'est bien. Joli, quoi. C'est ça bah, qui est fou, c'est que moi, c'est son panier. Parce qu'il est un peu en hauteur et j'aurais bêtement, j'y connais rien, je me serais dit ah peut-être le chien il préférait même le sol. Non, elle adore être en hauteur. Les chiens adorent être en hauteur parce que c'est les chefs de meute qui sont en hauteur. Ah ouais? Eh ouais. Bah, comme ça, vois, on les chefs comme dans le Roi Lion, tu vois. Oui. J'aime bien être en haut. Mais en plus, des fois, il y a un autre chien qui est accroché comme ça en hauteur au bord d'une falaise et elle lui enlève la patte. Ah ouais. Ça, il se fait piétiner par des buffles. Ah ouais, des buffles. Non, exactement comme dans le Roi Lion. Je pensais que t'allais faire du coup changer l'animal aussi du buffle. Non, non. C'est des redébuffles. Non, c'est vraiment comme dans le Roi Lion, vraiment. Exactement. Et toi, Justine? Je vais acheter une petite panoplie des trucs de Booba pour faire la blague Booba Gump. Tu vois, le merch de Booba. Il s'appelle Gump, oui, faut. Donc j'ai acheté la chaîne et un truc, la piraterie n'est jamais finie. Parce que ils vendent des trucs, la piraterie n'est jamais finie, pour chien? Pour chien? Non, mais c'est moi qui l'ai déguisé comme si c'était un. Ah, tu as acheté un t-shirt pour enfant? Oui! Ah, d'accord! Non, mais j'ai acheté une casquette et j'ai acheté. Ah, mais oui, j'ai vu une photo passer. Mais de oui! Ça. Ah, incroyable! Incroyable! Mais c'est plus pour moi que pour lui. Ah, oui, bon, de toute façon. Ah, bah, de toute façon, les trucs qu'on achète souvent, c'est lui, il s'en fout. Les milliards de jouets que je lui achète. Moi, j'ai ça avec un enfant. Elle en utilise deux. Avec un enfant, moi. C'est plus sain que nous. Non, je suis pas sûr. Imposer ta propre nostalgie et tes propres références. Après, elle a un an. Justement. Je pars du principe que quand elle sera plus grande, j'imposerai moins. Mais c'est vrai que là, du coup, tu dis. Petite peluche Itty ou petite peluche machin, ouais. Moi j'aime bien. C'est non, mais Seb, je pense qu'il est pas dans ma team là-dessus. Alors, non, pas du tout, mais le fait est que chez moi c'est entouré de choses que j'aime, des produits culturels que j'aime. Et s'il aime les monstres, les films de monstres, les yokai, les trucs comme ça, c'est bien parce qu'il en a feuilleté énormément dans ma bibliothèque. Ouais. J'essaie de pas lui imposer, mais c'est vrai qu'on a des centres d'intérêt très, très communs avec mon fils. Mais quand il était tout bébé, même, non là, tu Non, j'ai toujours fait non, bah non, j'allais chercher des trucs à droite à gauche, mais c'est lui que dès qu'il s'intéresse, mais comme tous les enfants, il s'intéresse aux yokai qui sont dans la bibliothèque, quoi. Ouais. Ça, c'est... Non, mais tu vois, moi, sur les fringues, voilà. Mais jamais je le forcerai à jouer à la NES, tu vois. Non, mais non plus. Non, mais moi, c'est parce que vraiment, elle est toute bébé, mais c'est peut-être une erreur. Hein. Mais tu vois, je me dis, bon, il y a ce t-shirt Jurassic Park, voilà, de 6 mois. Oui, mais c'est discret, mais c'est ça crée une connexion. Bah, c'est ça, moi. Mais ce qui est, c'est effectivement pas projeter des trucs sur les. Faut pas les forcer à revivre éternellement les années 80. Non, et puis, je crois que de toute façon, la culture le fera à notre place, vu que ça remake sans cesse les mêmes trucs. Oui, oui, c'est. Mais non, moi j'ai bon espoir qu'on en sorte. Là, j'ai l'impression qu'on arrive à la fin de la faille temporelle. Là, ça y est. Ouais. Ça commence à se dépasser. Tu vois, ça y est, Marvel commence un peu à se casser la gueule. Oui, les films marchent Star moins. Star Wars, ça marche moins bien. Ouais. Toute une série de choses qui. Je pense que les gens ont un peu marre des licences. Enfin, je sais pas, j'ai cette impression en tout cas, peut-être. Écoute, un peu naïve. Mais j'espère aussi. J'espère aussi. McDonald's va lancer une nouvelle formule, un menu jamais proposé jusque-là. En quoi consiste-t-il ? Il y a un DJ ? Non. Derrière ? Vegan, un menu vegan ? Non. Attends, je crois que ça, c'est fou d'ailleurs parler. Ce truc de DJ Snake. Parce que moi je croyais que c'était genre un menu spécial. Non, mais il y a le menu DJ Snake. Oui, et tu dis, ah bah doit y avoir un verre DJ Snake ou un burger lui-même. Non, non, c'est son menu préféré. C'est-à-dire qu'il dit, moi ce que j'aime bien c'est le double cheese, le coca, les frites et un sundae caramel. Ouais, je mange comme lui, quoi. Voici mon menu. Tu dis oui, bon bah c'est un menu best-of. Oui, oui, bah il faut prendre l'argent après. Les gens sont assez cons pour te filer 50 000 balles pour ce genre de truc. Autant prendre la thune. Mon j'aurais fait Sébastien. Pareil. Je suis à des années lumière. Moi je suis vraiment genre 1 million dollars. C'est pas beaucoup, c'est ça, 50 000 euros. Pour moi c'est beaucoup d'argent, mais après pour vous c'est peut-être un brunch peut-être. Je sais pas, 50 000 euros, enfin t'as deux bagnoles à 50 000 balles. Mais moi balles. Je suis dans ta team. Putain, juste non, mais je pense que oui. McDo, c'est plus, oui. McDo DJ Snake. 500 000 euros. J'en sais rien, un truc dans le genre, c'est plus, oui. C'est n'importe quoi. Bah, on l'appelle, on l'appelle. Le monde est bon, fou. Bon, Snake. Alors, ils mettent quoi? Qui va répondre? Ils mettent quoi? Il est loin ou pas? Parce qu'il faut parler avec le Flocast qui nous envoie un DM sur le compte du Flocast. Pour qu'il nous donne la thune qu'il a touchée. Il le dira. Attends, un truc qu'ils ont jamais fait chez McDo. C'est pour prendre 400 euros comme ça, bien sûr. Bien sûr que tu les prends 400 balles, enfin. C'est un aller-retour. Attends, à Avignon. Un menu gratuit. Il a eu un menu gratuit, je crois. Quand même. Bien sûr. Non, mais je crois qu'ils l'ont payé en visibilité. Ils ont dit non, mais c'est cool pour ton CD, là. On le voit partout. Hey, il y avait un truc violet, là aussi, que les jeunes ils faisaient des grimaces. Il y avait un concours comme ça avec quoi, un truc McDo. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, je suis fou. Un truc violet, les enfants, c'est un verre. Mais oui, prenez la première lettre de ma précédente phrase. De chaque mot, et vous verrez exactement ce que je veux dire. C'est un appel au secours. Aidez-moi. Évidemment que ça n'avait aucun sens. C'est un acronyme, putain. Merde. Non, tu sais, il y avait une boisson violette de McDo et les gens ils buvaient, ils faisaient une grimace et c'était un concours. Non, c'est peut-être un rêve que t'as fait. C'est peut-être un rêve que t'as fait quand t'avais de la fièvre. Si, enfin. J'étais avec Isabelle Adjani, je me souviens. Elle sortait d'une boîte à chaussures, je l'invente pas quand même. Je m'achetais des sandales, j'ouvrais, Isabelle Adjani, elle sortait, elle me disait le truc violet là, ils font des grimaces. Bon bah voilà. C'est McDo. Après, je faisais un petit bateau avec la boîte à chaussures, puis elle partait sur la scène, elle voguait, elle se faisait manger par une baleine. J'ai inventé sa tête. Répondez non, répondez-moi. Je suis fou peut-être. Pendant que vous cherchez le menu idéal de McDo, je vais. Non, alors, nouveau menu. J'en ai entendu parler, je crois. Nouveau menu. Je crois que j'en ai entendu parler. Basse calorie. Quoi? Basse calorie. Ah non, pas Basse calorie. Basse calorie. Je crois que c'était un mec qui s'appelait Basse calorie. Bah moi j'ai. Oui, Basse calorie spo, j'ai dit. Ah oui, Basse calorie spo. Un menu. En fait, ce qui m'en fout, c'est que j'ai l'impression que j'ai entendu ce truc, mais j'arrive pas à m'en rappeler. Ah bah salaud. Peut-être dans Bad News justement de Davy. Ah, c'est pas un truc glauque ou chelou ou quoi que ce soit. Hein. Okay, c'est pas dans le truc, c'est pas Davy alors. C'est pas Davy, je pense. Qu'on embrasse. C'est un truc bistronomique un peu, un menu avec entrée, plat, dessert, service à table, je sais pas. Non, mais tu t'approches. On un est truc sans frites. On est non, pas avec de la truffe, un petit burger truffé. Le McTruff. McTruffle. Non, mais on est sur un truc effectivement. Un peu plus, alors pas spécialement plus haut de gamme, mais il y a plus de choses à manger. Allez, les légumes, chips de légumes. Non, pas un truc plus sain ou plus. C'est un menu maxi best-of. Un menu alors, que tu peux. Que si tu manges tout, t'as gagné à la fin. Ah, il y a un truc à volonté. Il y a un truc à volonté. Pas à volonté, effectivement, c'est un. Si. Ouais, tu descends ce doigt tout de suite, attention, je vais te dire. Ne dites pas, c'est pas ça. Ne dites pas. Non, c'est un truc où il y en a beaucoup, mais pour quelle raison? C'est un brunch. Alors, on s'approche. C'est pour partager avec ses amis. Oui, mais non. Ça vient chez toi faire des mariages. Ah mais oui, c'est ça, je l'ai vu, c'est ça que j'ai vu. Bonne réponse. Un menu mariage. Le géant du hamburger a décidé de se lancer sur le marché lucratif du mariage pour 200 dollars. Donc on peut acheter une maison avec ça, Seb. 200 dollars. Oui, je pense dans le Morbihan, dans le golfe du Morbihan probablement. Petit mobilhome. T'imagines tu choisis McDo comme traiteur de ton mariage. Ah, oh, serait ridicule, non? T'adorerais. Non, tu serais KFC, non, toi. Non, toi, ce serait extrêmement riche et luxueux, toi. Non, alors pas. Oui, mais moi, je veux pas me marier, donc. C'est vrai, c'est vrai. Mais t'as des goûts de luxe, quand même. Non, je suis pas d'accord avec ça. Tu trouves vraiment? Non. Au contraire, moi, j'aime bien. T'as un petit standing quand même. Sur les hôtels, je suis d'accord. Je suis devenu un petit. Sur les places de concert aussi. Ah, c'est terrible. Oui, parce qu'on a eu un débat. J'ai découvert la fosse or. Bah, c'est horrible, mais c'est trop bien, quoi. C'est-à-dire que c'est une fosse. mais t'as pas besoin d'arriver 8 heures avant. Non mais c'est en fait c'est très mal assis, c'est très dur. Parce que moi quand j'étais gamin, un minot, t'étais minot, petite marmaille. J'allais en fosse pour voir les concerts et j'arrivais des fois, Metallica, je suis arrivé 12 heures avant. On est arrivé à 7h30 du matin pour le concert du soir. Relou. Pour être tout devant, tu vois. Le con. Et j'ai fait ça sur Metallica, Eric Clapton, Aerosmith. Je suis né en 65. Hein. Ouais, apparemment, ouais. Mais j'ai fait ça pour plein de concerts et maintenant il y a un nouveau truc qui se fait beaucoup, c'est la fosse or, qui est donc des places beaucoup plus chères en fosse. Mais qui est séparé, donc c'est horrible parce que. Une place DJ Snake. Ah, c'est genre. Il y a une mini fosse devant la fosse en c'est gros. C'est ça, exactement. C'est une fosse de gens qui ont mis plus d'argent. C'est une fosse fosse quoi. Une fosse fosse. Une vraie fosse. Et quelle est la. Et là, je suis allé voir Bruce Springsteen par exemple. Ouais. Et je suis arrivé. Donc encore une fois, je suis né, mais en 91. Les vamps, c'est la semaine prochaine que tu vas. J'ai pas aller. Il y a Magma en concert d'ailleurs. Ouais. Et j'ai le nouveau Roland McDan là, je suis chaud, chaud, chaud. Non, mais je suis arrivé du coup une demi-heure avant le début du concert et j'étais extrêmement bien placé en fosse. Du champagne. Donc c'est. Non, non, mais il n'y a pas de truc luxueux. T'es debout, mais bien placé, tu vois. Et même si t'es au fond de la fosse or, t'es très bien placé. Pas mal, pas mal. Donc c'est super. Mais tu le vends très bien. C'est vraiment beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus cher. Plus cher qu'une fosse. Bah oui, Springsteen. C'est pas le plus cher de. C'est non. Pas les places les plus chères. Non, c'est pas les places les plus chères. Mais Springsteen, bon, après Springsteen c'était très cher en général. Mais j'ai payé 140 euros, je crois. Et j'étais en fosse or. Quand même, la c'est moins que Lana Del Rey. Ouais. Et j'ai trouvé mon truc, c'est Grimace Shake Monster. Et c'est un truc sur TikTok. Je suis pas complètement fada, pardi. C'est un truc avec Adjani là. Non, mais oui, c'est un vrai truc. Grimace Shake Monster. Il a mélangé TikTok et pardi dans une seule phrase. Ouais, ça, personne n'a jamais fait. Ça, c'est fou. Là, il y a une faille spatio-temporelle qui est en train de s'ouvrir au-dessus de Paris là. Alors, donc pour 200$ environ, vous pouvez emporter. T'es Fernandel en fait. Mais arrête, mais attends, pourquoi tu me boulies d'un seul coup? J'étais passé à autre chose. Il finissait son histoire. Je me fais boulier par Adrien depuis tout à l'heure. Il m'appelle Sébastien Cacagne. Il me fait boulier pas. Je fais Cacagne. Il m'appelle Sébastien Chiassagne. Il m'a fait comme ça par rapport au Kanga tout à l'heure. Il me regarde, il me fait des grands signes comme ça. Enfin, c'est atroce. J'écarte mon trou de balle et tout. Je lui montre. On n'entend pas. Dès que je parlais de mon chien, Toby, c'est pour ça qu'il galérait. Dès que Seb parle, il coupe son micro. Il fait gna gna gna gna gna gna gna gna. Pauvre con. Grosse merde. Ah, ça t'a fait rire le caca au début. Donc oui, pour 200$ environ, vous pouvez emporter un pack de 100 hamburgers au poulet et 100 boîtes de 4 nuggets. Ah, on va plus de 100 invités. Ah oui, bah après, un mariage, oui. Bah 100 boîtes de 4, donc, ouais, donc quand même 400 nuggets. L'enseigne de restauration propose d'autres formules comprenant d'autres hamburgers de sa gamme, à condition toutefois d'en commander 200 au minimum. McDonald's propose même d'installer un buffet directement sur le lieu du mariage. Il n'est pas possible en revanche d'organiser le repas de mariage dans le restaurant, si vous vouliez. Ça doit être froid. Bah c'est non, ça que je me dis, un peu comme Trump, c'est pas Trump qui avait fait ça? Le buffet c'était du McDo. Il a fait tellement de fous. Non mais alors lui c'est un c'est un phénomène. Lui c'est South Park. Quand on le voit, on est dans South Park pour moi. Mais ça bon. c'est devenu un peu le nouveau c'est Black Mirror. Ouais, c'est South Park. On vit dans un épisode de South Park. Ah non, mais c'est South Park. Bon, ce menu de mariage, il est pas dispo partout dans le monde. Il est dispo Black d'internet. Qu'en Indonésie. Voilà. Ah c'est que en Indonésie. Pour le moment, c'est que en Indonésie. Ça doit sentir mauvais et ça doit être froid. Ça doit être immonde. Enfin, si vous deviez, Et j'ai une question, si vous deviez proposer, à la manière de DJ Snake, votre propre menu, alors pas forcément McDo, mais de n'importe quel restaurant, un peu un menu parfait, le menu Justine Lepotier par exemple. Après l'attraction, Justine Lepotier. Bah oui, après la grande roue. Après la grande roue. Un menu, tu vois, disons plat, boisson, dessert. Pas mal. Alors crêpe au Nutella, enfin pas Nutella parce que les orang-outans. Mais vraiment. Oui, mais à le chocolat fondu là. Quoi. Ouais. Oh là là, ça commence comme ça. On s'est fait, à une époque avec le petit, on se faisait beaucoup de crêpes à côté de Golden. On y allait souvent. Et des lasagnes. Ah, des lasagnes. Oui, le classique. Des lasagnes. Lasagne, crêpe Nutella. Donc le menu Le Potier, s'il y a des gens qui veulent faire des petits graphismes, c'est lasagne, crêpe chocolat fondu et boisson. Une petite coupe de champagne. Ah, c'est très très mélangé. Ouais. Il y a de tout. Elle est éclectique. Elle est éclectique. Même pas un cidre, la Bretonne. Allez, si tu veux. Non, mais c'est pas que je l'ai dit. Attendez. Tu sais quoi? Un kir royal. Allez, hop là. Ménélite. J'en sais rien, écoute. J'étais un peu content de ma question. Non, mais un peu sympa, un peu cool. Je sais pas, j'avoue. Tu sais, toi, Seb, ou pas? Parce que c'est pas Adrien. Non, mais il va pas juger, hein. Il est bonne ambiance. Non, je sais pas du tout. J'ai pas trop écouté. J'ai écouté crêpe au Nutella et j'ai pas compris. En fait, c'est pas que j'ai pas écouté, c'est que j'ai pas compris. Si tu devais faire le menu, tu sais quoi, je vais le tourner autrement. Ton menu parfait. Genre là, pas, moi, je dois te faire le. T'es chez moi, je te dis. T'es genre quoi avant de mourir, genre comme. Ouais, voilà, bon, si tu veux, même. Couloir ouais. De la mort, j'ai ouais, fait une connerie, ça, c'est ça. Ah, menu c'était de. C'était pas si mal ce que je vous avais demandé. Non, non, quand non, même, non, mais oui. Non, mais. Ok. Quand, si vous voulez. Comme ça, c'est pas mal. Tourner comme ça, c'est la même chose. Dernier, mais oui, ta si gueule. La forme n'a aucune importance en fait. Si. Non, mais moi, ça. Fait du finoche ou. Ça se relie au McDo quand même. Alors que oui, oui, bon, mais allez. Bon, excuse-nous de dériver ta question parfaite. Oh non. Incroyable, mec, l'ego. L'ego qui met là-dedans. Quoi. Votre dernier repas du couloir de la mort. On est d'accord que c'est bien préparé en général ce genre de repas. Oui, parce que j'en doute. Oui, mais... tu vois, parce que si tu demandes un truc un peu élaboré, je sais pas, type, je dis n'importe quoi, mais un carpaccio de courgettes par exemple, et que c'est fait avec des mauvaises courgettes, t'es un peu dégoûté en fait. Ouais, mais je me demande, ce serait marrant de se renseigner justement. Est-ce qu'il y a un vrai cuistot qui. Ou alors il faut. Ça bon, de toute façon, tu vas crever. Voilà, oui, je pense que c'est plus ça. Oui, c'est pas bon. Ah, bah c'est dommage, de toute façon, tu vas mourir. Ah, t'as plombé l'ambiance. Ça me met. Là, on comble parce que Florent est parti. Là, regardez, hop là. Ah. Mais non, mais j'en veux de l'eau. Ah oui, sans partir aussi. T'es parti? Non, je suis allé chercher de l'eau. Bah, t'es parti. Donc. Bah, mon plat, c'est. Oh, patatas bravas. J'en sais rien, putain. Je sais pas. Si toi, t'as une petite dévotion quoi, pour le. Petite adoration, pardon, pour le beurre de cacahuète. Ouais, mais... Ah si, il y a des sauces miso beurre de cacahuète, tiens, oh, qui sont très très bonnes. Miso beurre. Ah ouais. Oh, ouais, tu fais un petit mélange miso beurre de cacahuète avec un petit filet d'huile d'olive. C'est indonésien ça. C'est bon. C'est très bon ce petit mélange. Hein. Non mais moi je sais... franchement, j'en sais rien. Moi ce serait du légume, du miso, du légume, des trucs comme ça, j'adore. Mais lui ça le fait, ce serait du légume. Bon, ce serait du légume. Ce serait du légume principalement. Mais non, parce que j'essaierais de rendre le légume un peu sexy, putain, tuez-moi. Parce que tout ton bar à légumes, je crois. Là, on dirait les trous de balles qui font des vidéos de recettes là. qui utilisent des adjectifs qui n'ont aucun sens. Mon moment préféré, c'est quand ils goûtent leur bouffe et que c'est et toujours magnifique. Et qui disent on va venir couper en superbe lamelles. On va venir. Ta gueule. Fais-le, arrête de dire. Ils ont toujours le pronom possessif pour leur truc. Ma sauce. Ouais. Je vais mettre dans mon truc. Ça m'énerve. C'est un plaisir assez régressif. Mais ouais. C'est ça. C'est un peu coquin. Ouais. Allez, une sauce très gourmande, coquine, c'est très gourmande. Et c'est un petit goût de on y revient-y. Je connais pas l'expression, c'est pas ça, je pense. C'est certainement pas on y revient-y. Deux personnes ont décidé d'attaquer ChatGPT en justice. A votre avis, pourquoi? Quelqu'un a utilisé ChatGPT pour les arnaquer? Non. Les scammer? Non. Il y avait des fausses informations sur eux? Non. Parce que on peut lui faire dire des trucs racistes? Il a une logique raciste? Non, il est où? Non, non. Ça, justement, non. Ils l'ont éduqué, justement, ouais. Pour. Pas comme l'ancienne IA qui était partie en sucette en deux non. jours, là. Ouais, non, sur Twitter. Ouais, c'est fou, non, ça. Non, ils l'ont bloqué. Mais. Parce que ça leur a porté préjudice, d'une manière ou d'une autre. Exactement. Sur leur réputation? Pas sur leur réputation. Est-ce que c'est. Eux-mêmes, utilisation personnelle de ChatGPT, ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui a utilisé ChatGPT à leur encontre? Pas à leur encontre, mais. C'est quelqu'un d'autre qui a utilisé ChatGPT. Et eux l'ont utilisé derrière et ils ont fait ah bah du coup on attaque. Oh. Ça reprenait un bouquin, un plagiat, un truc comme ça qu'ils avaient écrit et ça refaisait à l'identique le truc. Une question de droit d'auteur. Deux écrivains attaquent en justice OpenAI, donc c'est la société qui développe ChatGPT. Paul Tremblay et Mona Awad, ça va, hein, estiment que leur livre a été utilisé sans consentement par la société pour nourrir l'IA. Pour eux, c'est une violation du droit d'auteur. Les auteurs affirment que ChatGPT est à même de fournir beaucoup d'informations sur leurs ouvrages, ce qui, selon eux, ne se base pas uniquement sur les résumés des livres, mais va beaucoup plus loin. Ils pensent qu'OpenAI, en moissonnant le web pour nourrir ChatGPT, a aspiré le livre présent sur des sites pirates. Ceux-ci proposent gratuitement et de façon illégale des millions d'ouvrages au mépris du droit d'auteur. La plainte indique, en effet, lorsque ChatGPT est sollicité, ChatGPT génère des résumés des œuvres protégées par le droit d'auteur des demandeurs, ce qui n'est possible que si ChatGPT a été formé sur les œuvres protégées par le droit d'auteur des demandeurs. De son côté, The Author Guild, donc en gros une asso d'auteurs, quoi, a écrit une lettre aux dirigeants des sociétés produisant des IA génératives. Le syndicat s'adresse notamment à Sam Altman, OpenAI, Sundar Pichai, Alphabet, Mark Zuckerberg, Meta. Le but de cette lettre ouverte est d'obtenir de la part de ces PDG des assurances. Ils veulent que les contenus mentionnés par ChatGPT soient crédités. Ils exigent aussi d'être indemnisés quand ces sociétés utilisent leurs œuvres pour entraîner leur IA. Voilà. Eh ben, mais ça pose une question intéressante. Ouais. Et moi, j'ai vu qu'il y a des IA, et ça, je trouve ça assez, assez pratique. En gros, tu lui envoies un PDF, et après, tu peux. En fait, l'IA lit le PDF pour toi, et après, tu peux lui poser des questions. Genre par exemple tu peux lui envoyer le PDF de conditions d'utilisation d'un truc Et après, tu lui dis comment je fais pour me désabonner, nanana. Il te dit bah tu fais comme ça, au lieu de te taper le truc de lire. C'est un secrétaire, quoi. C'est pas mal. Pas mal. J'ai vu l'IA aussi, archi d'intérieur, qui te, tu prends photo ton appart et ça te met des trucs. Comment ça m'intéresse, tu... ça. Ah, mais oh là je l'enverrai le. Ça, quelle horreur. Mais les enfants quoi, devenaient couvreurs, devenaient maçons, devenaient plombiers parce que tous les métiers disparaissent. En fait. C'est ouf, ça. Quoi. Ah bah ça, un ordi, ça, il pourra jamais te faire du ciment. Hein. Non, je sais pas si vous voyez. Non, mais oui. Non, mais c'est vrai, moi j'ai des potes archi d'intérieur. Ou devenez développeur. Alors attends, parce que non, mais après, il faut voir les résultats. Voilà, c'est encore très. C'est un peu comme. C'est très limité. Mais je lisais un article, alors j'y connais beaucoup moins de choses que vous, mais c'est que genre. En gros, là, il y a eu une avancée énorme, mais que le petit pourcentage pour que ce soit vraiment bien et genre que ça peut remplacer l'homme et tout, ça va prendre genre des dizaines et des dizaines d'années. Enfin, en tout cas, l'article que j'avais lu, que je peux pas vous nommer rien, mais disait, voilà, en fait, il y a eu une grande. C'est un peu comme la réalité virtuelle. Ouais, mais c'est peut-être une IA qui a écrit l'article pour fouiller les pistes. Oh non, mais... C'est une série, j'ai l'impression. Ouais. Non, mais en gros, tu vois, c'était un peu avec la réalité virtuelle de. D'un coup, les gens disaient wow. Et en vérité. T'as un espèce de plafond de. Aujourd'hui, il y a assez peu de gens qui consomment de la réalité virtuelle, ce qu'ils disent. Ouais. Bah, le petit pourcentage qui fait que c'est cool fait chier, oui, en fait. Enfin, empêche la bonne utilisation. Et apparemment, les IA, c'est un peu la même chose. Ouais, c'est comme l'harmonica. L'harmonica, tu peux en jouer, tu vois, très, très vite, tu sais en jouer, mais après, pour en jouer très bien, ça prend des années. Mais vraiment, parce que moi, pendant le confinement, j'ai voulu apprendre l'harmonica. Et c'est comment on fait, quoi. C'est très dur. C'est très difficile. Non, bah, c'est en fait, non. Je lisais, en fait, non, mais je regardais des tutos tu et tu peux l'en jouer très vite. J'ai trouvé ça très difficile, moi. De juste être l'inverse, juste... tu veux dire, de ce que je viens de dire. Non, mais moi, parce que je suis peut-être nul à chier, ce qui est très possible. Non, je sais pas. Mais moi, quand je regardais des tutos, ça avait l'air méga dur et tout, quoi. Bah, moi, pas. je m'étais entraîné. Enfin, je m'y étais mis il y a longtemps. Et sur le Grand Canyon. Non, mais en vrai, tu peux arriver très vite à. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'après, ça dépend quel type d'harmonica. On est parti sur l'harmonica. Moi ça m'intéresse. Non, mais parce qu'il y a les harmonicas chromatiques et il y a les harmonicas, j'ai oublié l'autre, mais en fait diatonique, non, ouais, je crois que c'est ça, ouais. Et en fait il y a des harmonicas qui sont genre dans une gamme, tu vois, il y a un harmonica en do, en ré, en mi, etc. Et en gros, du coup, avec un harmonica comme ça, tu fais n'importe quoi et c'est toujours juste parce que c'est toujours dans la même gamme. Et il y a les harmonicas chromatiques, je crois, où là il y a toutes les notes, et du coup là t'es obligé de savoir en jouer vraiment bien. Donc mais bon, moi voilà, je voulais faire Bob Dylan, quoi. Je voulais faire, tu vois, tu te prends un harmonica en sol ou en do, hein, ouais. Et puis, voilà. Je voulais faire les solos d'Aerosmith, justement. Ouais, Neil Young aussi, voilà. Mais Neil Young, c'est pas si dur que ça à reproduire. Ah ouais, oui, bah vu que tu fais la guitare en même temps. Bah, c'est parce que Bob Dylan, je me disais, bon, vu qu'il a cette espèce de truc de dentiste où l'harmonica remonte dans sa bouche, ça doit pas être si dur. Bah, j'en ai bien. Enfin, je n'ai pas réussi. Bah, t'as déjà la coupe de Bob Dylan, non? Ouais, j'essaye. Dernière question, et après on passera aux recommandations culturelles. Ah ouais. On connaissait les gens qui font leur choix grâce à l'astrologie, n'est-ce pas? Tu sais, genre toi t'es cancer, moi je suis poisson, ça marche pas. Ouais, bah ça, voilà. On aime bien. Leur choix dans la vie, dans la vie en général. Et bien, chez certains japonais, qu'est-ce qui influencerait le tempérament d'un individu jusqu'à ses relations humaines et son employabilité? L'odeur. Non. Son groupe sanguin. Très bonne réponse, Adrien Méniel. Tu le savais? Non. Un enfoiré de génie, voilà tout. Leur groupe sanguin, effectivement. Vous connaissez votre groupe sanguin, vous, d'ailleurs? Yes. A plus. A plus. Et je m'en vais. Non, je rigole, c'est mon groupe sanguin. Je répondais à la question, elle Seb. A adoré. A plus. Écoutez-moi bien. Seb, il a mis. Regarde, ça y est. Parce qu'il m'a regardé en fronçant les sourcils, genre, qu'est-ce que tu racontes? Et là, il vient de comprendre, et là, il tape sur la table de rire. Les bruits que vous entendez là. Oh non. Ah oui. Il a de la buée sur ses lunettes, tellement il rit. Donc, A plus pour Adrien, toi t'es quoi? O positif. Oh, toi t'es donneuse universelle, non? C'est ouais, pas ça, je crois, ouais. Et moi, pendant le Covid, ils étaient genre les élus, genre c'est vous ça, pouvez pas la voir. Pas ou... ouais, moi, je crois que je suis receveur universel ou l'inverse. T'es Caroline receveur, même. Je vais regarder. Et toi, Sébastien? B+. B+. Et bah, je vais vous dire un peu ce que vous êtes. Vas-y, dis-moi. Wow. Parce que moi, je connais pas mon groupe sanguin. Oui. Donc, les O, Justine, tu es bourré, tu serais. Parce que c'est, bourré. Voilà. Tu serais bourré. Tu serais bourré à 24. Non, bourré d'ambition. Né pour diriger. Si on leur reproche parfois d'être arrogant ou insensible, c'est tellement pas toi. Si on leur reproche parfois d'être arrogant ou insensible, leur charme d'orateur les aiderait à se faire pardonner. C'est des connards. Ces accros du travail auraient confiance en eux et suivraient leurs intuitions, souvent très bonnes. Donc je suis embauché chez les Japonais. Ah oui, mais c'est, ouais, ça dit. T'es pas, t'es pas donneur universel, ah, pas non. C'est O négatif. Toi, t'es juste O plus, quoi. Bon, ok. Adrien, t'es A, c'est ça? A+. A+, ouais. Doué d'une grande sensibilité. Je t'assure, hein. Ouais, non, je bouge pas d'ici, hein. Doué d'une grande... son nouveau spectacle dans le bus. Doué d'une grande sensibilité, les types A offriraient une oreille attentive, mais seraient de véritables boules de stress excessivement minutieuses. C'est malheureusement totalement vrai. C'est à la, au centime près. Tu oui, m'entends? Bon, bah après, non, c'est bien. Ça reste de la grosse connerie. Et toi, comme l'horoscope. T'es B, toi, c'est ça, tu disais? B, ouais. Pour le coup, le ils groupe. Ils adorent B, la merde. Bon. Le groupe C. Mais non! Mais c'est pas vrai! Les groupes B seraient, auraient des esprits créatifs, rebelles et impulsifs. Bam! N'aimeraient pas suivre les règles et pas placeraient leur goût de liberté au-dessus des valeurs collectives. Un tabou dans la civilisation asiatique. Mais ils feraient de très bons journalistes, musiciens et auto-entrepreneurs. Oui, alors. Vraiment, ça aurait pu s'appliquer à moi exactement pareil. Non, je pense pas. Tu as des preuves de ce que tu avances? Ouais. Tu crois pas en ça? Un bon auto-entrepreneur, toi? C'est peut-être le seul truc, mais sinon le reste. Bon, Oui, t'es rebelle et impulsif. Oui, voilà, voilà. Bon, donc c'est, voilà, c'est exactement le comme l'horoscope. Lorenzo Lamas. Je suis le rebelle. Non, mais c'est comme l'horoscope, quoi. C'est-à-dire que... Bah oui, toi, évidemment. Toi, ils ont dit quoi? Que des trucs pas sympas. Oui, non, c'est que tu connais pas du tout le style. C'est fou. Qu'elle était très carriériste. Très ambitieuse, tout ça. Parfois vicieuse. Ouais, nul. On va passer à la deuxième partie du Floodcast, les recommandations culturelles. Alors c'est bientôt l'été, donc voilà, je sais qu'Adrien a rempli sa hotte de recommandations. Je te propose d'en faire une, on passe à Justine, t'en fais une, on passe à Seb. Tu vois, un truc un peu comme ça, un petit peu... Non, moi je veux tout faire d'un coup. D'accord. Je veux aller vite et tout faire d'un coup. Comme tu veux, Adrien. Voilà. Ça me va. Non mais allez-y, allez, non, allez-y vous en premier, vous en premier. Alors Justine, qu'est-ce que tu veux nous recommander? Alors, comme je suis carriériste et ambitieuse, je vais faire ma propre promo. Alors, j'ouvre un comedy club. Mais sans déconner, mais le potier. Mais si, je voulais pas dire. Non, mais non, tu nous l'as pas dit, mais c'est incroyable. Je vous explique. Mais où ça? 6 rue de la Tacherie à Hôtel de Ville. D'accord. À Paris, qui s'appelle... Un endroit où il y a pas trop de comedy club en plus, c'est plutôt cool. Bon, il y a le joke pas très loin. Oui, mais le joke quand parce que le joke on connaît Baptiste Le Caplain qui absolument. Voilà. Justement, c'était de se dire là, il y a pas trop de comedy club, mais après ça se nourrit, non, c'est ça qui est trop bien. Ça s'appelle le Cartel Comedy Club, ça va peut-être changer de nom. D'accord. Parce qu'il y a un bar qui s'appelle El Cartel dans le 6e, ça nous embête mais voilà. Et en fait, c'est une amie qui a un restaurant qui est fermé depuis le Covid et qui ne savait pas quoi en faire et donc là on est avec des palettes pour faire des travaux, etc. Okay. Et on ouvre le 13 septembre. Incroyable! Oui! C'est avec. Parce que tu étais venu nous parler de Paul Carfoglio et compagnie, c'est pas du tout lié? Non, non, c'est pas du tout lié. Ah, non, c'est incroyable! Tu t'es pris d'amour pour les ouais, comedy clubs. Vraiment, en fait, limite plus que la scène, j'ai aimé l'ambiance. Mmh. Je me suis dit, mais ma vie, ce serait ça tout le temps. Oui! Très bien! Génial! Donc voilà, et puis on va faire des thématiques, je pense aussi, une fois par mois. Et... Ça va être trop bien! Oui, je suis trop contente. Voilà, ah, donc, génial. Maintenant, tu nous avais pas dit. Le 13 septembre, rue de la Tacherie, tu as dit? 6 rue de la Tacherie. 6 rue de la Tacherie. 75 000 4 Paris, et ce sera ouvert voilà, plusieurs jours par semaine. Donc... Génial! Génial! Qui c'est qui va venir faire des petits plateaux au cartel chez sa vieille copine Justine? Oh, pas c'est pas Adrien Meynier! Mais non, mais on ira voir avec plaisir, avec grand plaisir. Voilà. C'est on sait jamais, peut-être un jour. Et qui sait, la surprise. En fait, on s'est mis, il a dû te dire avec Geeky Pop, on s'est mis à challenge sur toi. Le premier qui réussit à te faire monter sur scène, il gagne le pari. Bah, j'irai chez aucun de vous deux. Bah ouais, voilà, bien. Il y a eu des Bataclan, l'Olympia, enfin voilà, c'est moi qui travaille Adrien depuis des années pour qu'il monte on sur scène. Commencez pas. Personne me dit quoi faire. Voilà, mais t'es je suis à plus en fait. A plus mon gars. Sébastien, une recommandation culturelle. Ah, je croyais qu'on faisait le. Non, je fais tout d'un coup. Ah, non, mais il a décidé, c'est bon. Ok. Mais je suis à plus, mec. D'abord, je voudrais faire un petit mea culpa. Non, pas du tout. Quelle horreur. Non. Quelle horreur, j'allais dire. Déteste revenir sur ce qu'il a dit. Ah, non, je vais. Oui, non, c'est... par rapport à l'intelligence artificielle, c'est vrai que j'ai ce truc de jeune parent. Pardon, je sais que c'est pas une recommandation. Je sais, mais moi, je suis un peu en dehors des cases, quoi. Voilà. Mais c'est vrai. Et le fait est que vous le trouverez jamais dans un mot croisé. J'ai toujours ce truc de moi, toute ma vie, on m'a préparé à un monde qui est pas celui dans lequel j'ai grandi. Ouais. Et je alors je parlais de pas projeter ses angoisses sur ses enfants, etc. Évidemment, je me contredis au bout d'une seconde. Le fait est que je projette un truc et je me dis putain, faut surtout pas que je le prépare à un monde dans lequel grandir dans un monde dans lequel, enfin, qui sera forcément différent puisque les choses n'évoluent pas en fonction de nous. Mais attends, on devait pas parler du pieu à un moment? Si, c'est prévu. Ah ok, d'accord, ça marche. Pas de soucis. Pas de soucis, parce que je suis venu que pour ça en fait. C'est pour ça, je suis désolé. Ça va, il a annoncé il y a 4 jours un film qui sort dans 8 trucs et tout. Non mais désolé Flo, je sais que... Enfin pardon quoi, j'ai... Recommandation. Il y a House, le film d'Obayashi au cinéma. Il a déjà incroyable. Été cité ou pas? Jamais. Précédemment. Ok. Jamais. Et qui sort en DVD chez Potemkin, si je dis pas d'annerie. Ouais. Qui est un film complètement Bah, j'ai que les adjectifs qui vont pas, genre déjanté, barré, etc. Ça le représente pas du tout. Ce film, Obayashi, c'est un réalisateur japonais qui a un peu une grande forme de liberté de mise en scène. C'est un film très musical, c'est un film comme on n'en voit jamais dans son sens du cadre, dans son rapport à l'interprétation. C'est un film comme on en voit trop peu dans la veine du Rocky Horror Picture Show, on pourrait dire, mais en beaucoup plus drôle et en beaucoup plus différent. J'aime pas ces termes de ovni, de machin, je trouve que c'est toujours des poncifs de cinéma, mais le fait est que celui-ci, il a vraiment quelque chose de très particulier et c'est ni vraiment un film de sorcière, ni vraiment une comédie musicale, ni vraiment un film d'horreur, mais c'est tout ça à la fois. Parce que c'est un film qui est sorti il y a genre 50 ans quoi. Un film de la fin des années 70. C'est ça, et qui est jamais sorti en France. Et non, et puis c'est un cinéaste qu'on connaît pas du tout, Obayashi, ouais. qui a été complètement éclipsé par les Oshima, les Kurosawa, enfin je veux dire, parce qu'en France on a découvert le cinéma japonais et enfin asiatique et japonais surtout un peu de la même manière, c'est-à-dire que tout avait à peu près la même valeur, ce qui fait qu'il y a beaucoup de cinéastes de différentes époques qui sont passés complètement à l'as. Donc on a retenu beaucoup Ozu, Kurosawa, Miike, l'autre là, Takeshi Kitano, etc. Mais il y en a d'autres qui sont un peu passés à la trappe, et celui-là en fait partie. Et faut vraiment découvrir ce truc, parce que ça fait un vent de fraîcheur terrible de voir une référence qu'il n'a pas été pendant tant d'années, alors que ça aurait pu le devenir. Et c'est un film qui reste très inspirant. Et très fou, court, ouais, d'ailleurs. C'est un film vraiment... Que tu as vu, toi ? Je l'ai jamais vu. Ah, mais il est fou, ce film. Vraiment, il est vraiment fou. Il y a un côté très... LSD 70 qui peut me rebuter, moi, des fois. Oui, donc, moi j'ai pas de problème avec ça, parce que c'est un moment où on fait des paris de nouvelle grammaire aussi. Oui, oui. Enfin, de nouvelle grammaire audiovisuelle. Et c'est typiquement, moi, le genre de truc que j'adore, parce que Jean-Christophe Averty, par exemple, au début de la télévision, il dit: attendez, la télé, faut qu'on fasse d'autres trucs, faut qu'on fasse des choses nouvelles. Et le mec arrive avec des nouveaux montages, des nouvelles couleurs, des nouvelles idées de mise en scène, en disant: on va pas filmer du théâtre, on va pas. Enfin, il essayait de sortir quelque chose, il essayait de dévier un peu la trajectoire qui était tout écrite pour la télévision, et qu'il a été également pour le cinéma à un moment donné, et heureusement il y a eu ces délires quoi. Ces délires qui disent: bah non, vous m'expliquez comment faire du cinéma, voilà comment moi j'ai envie de me servir du média. Et donc c'est pas un langage qu'on connaît tel qu'il a été promulgué, etc. Et c'est ce que j'adore avec les ressorties de films, avec les ressorties de films russes, tu vois, avec les Einstein, les L'homme à la caméra, des films comme ça, Potemkin et tout, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y avait pas qu'un seul cinéma à la base, et qu'il a tendance à s'unifier. Et plus on creuse, plus on fait un peu d'archéologie, et ben on peut réapprendre à apprécier des films d'auteurs de maintenant, qui ont des références complètement opaques, mais qui sont pas non plus qui sont pas complètement étrangers à l'histoire du cinéma. Je pense, tu vois, notamment à un film que j'ai fait il y a pas très longtemps, que j'adore, c'est Grand Paris de Martin Jova. J'aime beaucoup son processus de fabrication, et je suis très attaché à ça. Et même si Martin dit oui, c'est Indiana Jones dans les banlieues, etc., c'est pas tout à fait vrai. C'est quelqu'un qui a digéré une certaine histoire du cinéma, et c'est une histoire du cinéma qui est un petit peu oubliée. Et les gens qui critiquent Grand Paris souvent en disant c'est un film trop jeune, c'est un film d'école, etc., se trompent complètement, parce que c'est justement pas un film d'école, parce que Martin n'a jamais fait d'école de cinéma notamment. Donc tout ce qu'on peut y voir comme référence, c'est des lectures qui sont biaisées. Et quand bien même, ce serait pas un argument, mais vu que là c'est dit de manière péjorative, oui, bien sûr. Dans tout son plus pur académisme, si tant est que ce soit reprochable, hein, bien sûr. Ouais. Mais voilà. Et donc ce film d'Obayashi, ça permet de rêver à une réalité alternative de ce qu'aurait pu être le cinéma si ça avait été plus mainstream. Et c'est cool que c'est mieux distribué. Pardon. Et que ces trucs-là ressortent au cinéma, c'est vraiment cool, parce que là, je trouve que je perds un peu ma voix, excusez-moi, mais c'est des films qui peuvent être difficiles à regarder à la télé ou sur son ordi, et le cinéma, sans vouloir le mettre dans des podiums, mais il y a quand même ce truc assez chouette de tu regardes pas trop ton portable, t'es enfermé dans une salle, ça permet la concentration, et je pense que ces films là gagnent beaucoup à être vus dans des salles de cinéma. Et donc c'est trop bien que des gens, effectivement, c'est Potemkin Film qui le ressort. Et donc voilà, ça passe. Alors je suis pas sûr que ce soit énormément distribué, fatalement, mais si non, ça passe par chez vous, n'hésitez pas. Il y a au moins le DVD. Enfin oui, oui, alors, qui va arriver. Ce qui contredit ce qu'on dit avec le fait d'aller voir au cinéma. Faut le voir quand même. Mais je sais qu'il y a des salles. Il y a des salles pas qu'à Paris qui le diffusent. Non, il a quelques salles. Non, il a quelques salles. Comment il s'appelle, le 14A, non, c'est ça. Je ne pourrais pas te dire. Mais oui, je vous le dirai tout à l'heure. Je vais regarder. Adrien. Alors, j'ai ma reco principale, et après j'ai eu plein de petits recos qui sont un petit peu fourre-tout, voilà, parce que je me dis c'est l'été, donc on vide notre sac. Donc ma première reco, c'est le film Blackberry, qui parle tout simplement de la création, de la gloire et de la chute du Blackberry, le téléphone, parce que moi j'adore ces films d'entrepreneuriat un peu, mais en même temps, si c'est en plus de la tech, Bah, je suis au paradis, surtout si c'est de la vieille tech. T'as maté R de Ben Affleck du coup? Répète un peu. Sur les Jordan? Non, t'as pas regardé? Oui, oui, j'ai regardé. Oui, c'est je cool, l'ai vu, t'as vu, oui, sympa, c'est hein. Cool. Par contre, petit reproche, c'est que c'est vraiment assez faux tout ce qu'ils disent quoi. Ah ouais? Sur les trucs sur Michael Jordan, ah sur ouais. les contrats, ses préférences et tout. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ça reste un okay. film cool, mais en vrai, c'est pas du tout ça okay. que s'est passé quoi. Ouais, moi j'ai bien aimé. Enfin, moi j'ai des souvenirs de justement d'interview de Michael Jordan où il disait ouais. lui, il était allé, lui, il était fan d'Adidas. Et en fait Nike lui a fait une, dans la vraie vie je veux dire, une offre incroyable en termes d'argent. Il est retourné voir Adidas en disant bon moi j'adore Adidas donc faites moi une offre qui s'approche même de ça et je viens chez vous. Adidas a dit non merci, il est allé chez Nike. Okay, ça c'est la réalité, dans le film c'est pas du tout ça, ah non, c'est pas ça. Mais bref, Blackberry ça vient de sortir là. Non. Ouais, ouais, ouais, c'est sorti okay. récemment. Je sais même pas sur quoi. T'es en train de regarder, Flo ? Je regarde. Je sais pas sur quoi on peut le voir, mais voilà. J'ai trouvé ça hyper. Enfin, moi j'aime bien. Après, moi j'aime ce genre de film. Donc, toi, tu l'as vu ? Je l'ai vu de façon parfaitement légale, évidemment. Parce que c'est pas très dispo en France. En tout d'accord, cas. Ok. Ouais, okay. Bon. Je l'ai lu. Non, moi j'ai non, mais on écoutait aussi au Canada et tout. J'ai pris l'avion jusqu'aux États-Unis. Je suis allé voir là-bas. Je suis revenu. Ça valait le coup. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Il y a Jay Baruchel qu'on adore. Jay Baruchel, voilà, qui a les cheveux blancs dans le film. Donc, à un certain moment donné. Non, vraiment cool. J'ai bien aimé. Et il y a le mec de putain, j'ai oublié son nom, mais le mec qui joue dans It's Always Sunny in Philadelphia, qui joue, je sais plus. Enfin bon, bref. C'est vraiment, j'ai trouvé ça cool. Après. C'est exactement comme tous les films de ce genre, c'est-à-dire que t'as toujours un gars qui est un peu le mec rêveur, qui a une vision, ouais. et puis le mec est très affaire, business, et puis quand il s'associe, bah alors là, ça fait un truc de dingue. Pareil que R, pareil que tous les autres. Oui, films. Que Steve Jobs. Voilà, c'est toujours la même. Est-ce que c'est un peu l'histoire de toutes ces entreprises Peut-être. C'est l'histoire du Floodcast ou quoi Peut-être un peu. Ouais, peu ouais, je sais pas. Après, je sais pas qui, ouais. dans quel rôle on se caste. Ouais. Démerdez-vous. Et alors voilà. Bon, sinon, j'ai vu Fumer fait tousser. Oh. Avec Jérôme Niel. On va peut-être recouper des choses là. Ouais. Qui est du coup mon Dupieux préféré à ce jour de ceux que j'ai vus. Alors attendons. Parce que c'est non, à ce jour, j'ai dit. Non, je sais. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment bien. Alors là, vous êtes en train de vous dire ah bah du coup, il y a une fin s'il la met. Je vous le dis, il y a pas de fin. Il y a pas de fin. Voilà, c'est un Dupieux. Je sais pas les films d'après, j'en sais rien. Mais c'est pas grave. Voilà. Mais je l'ai trouvé vraiment bien. Donc je me dis bah cet été, regardez Fumer fait tousser. Il est sur MyCanal. Régalez-vous. Je crois que je l'avais déjà dit dans un podcast, mais moi ce que j'ai en fait, on limite. Enfin. On réduit beaucoup Dupieux à c'est absurde, oh là là, c'est n'importe quoi, etc. Mais moi, il a un la truc. La comédie. Ouais, ouais. Et la direction d'acteur. C'est-à-dire ouais, que ouais. les acteurs ne sont jamais mauvais chez ce gars, ouais, quand même. Ouais, enfin, ouais. c'est assez fou. Moi, ouais. je me souviens de. Après, il prend des grands comédiens, mais je me souviens de Poulvord dans Au Poste, où je m'étais dit, mais ça fait longtemps, j'ai toujours trouvé Poulvord incroyable, mais ça faisait longtemps ouais, que j'avais ouais. pas vu Poulvord aussi drôle dans un vrai truc de comédie, de timing comique et de et je trouve que là-dessus il est très très fort. Ouais. Non, et même sur l'aspect absurde, je trouve que là il crée un univers qui te fait accepter et tu dis pas oh là là d'où ça sort ce truc. Ouais. Enfin, tu sais, il installe un univers au début qui est à la fois réaliste et à la fois bizarre, mais ça marche. Et après, du coup, tu acceptes tous les trucs absurdes, tu les acceptes un peu. Enfin, tu vois, il y a un côté. J'ai trouvé ça et vraiment marrant, quoi. Ouais, est-ce que tu m'autorises à faire un petit bien écart sûr, tout à, est possible. Ok, parce que je me dis, voilà, on parle de Dupieux, on parle d'un réalisateur qui. Voilà. Et il y a un gars en face de moi, en il m'a fusillé du regard quand j'ai dit qu'il n'y avait pas de fin. Et là, il lit son tel, là. Qui joue dans Yann. C'est il lit un texto de Quentin, là. Qui dit qu'est-ce que t'as le droit de dire. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est, il m'écrit, on s'écrit tout le temps et tout. Vous êtes potes. Qu'est-ce que tu fais, machin. Bah, là, je fais de la zik. Non, tu joues dans Yannick, le oui. nouveau film de Quentin Dubu. Un film un peu surprise parce qu'il l'a annoncé absolument nulle part. Il parlait, enfin, on avait eu des news sur un film sur Salvador Dali qui s'appelle oui. Dali avec je sais plus combien de A et un point d'exclamation qui va sortir, je crois, à la fin de l'année. Et là, il y a deux semaines, je crois, un truc comme ça, Sébastien, qui a eu un espèce de. Une annonce surprise en okay. fait. Oui, absolument. Alors, la question de la fin au cinéma, c'est une question vraiment intéressante parce que souvent j'entends ça. Azanavicius aussi parfois dit que. Alors, ils sont très potes, Michel et Quentin. C'est comme ça que je les appelle parce que je les connais personnellement. Je les tutoie. Mais c'est une très bonne question, la question de la fin. Est-ce qu'un film s'arrête parce qu'il n'y a plus rien à dire ou est-ce qu'un film s'arrête parce qu'il est déjà parce trop que long fini. Ou parce que c'est fini. Parce que moi, je trouve par exemple que les gens trouvaient que Incroyable mais vrai n'avait pas de fin, qui est un truc que j'ai entendu plusieurs fois, beaucoup de fois. Pour le coup, si, moi je trouve qu'il a. Et ben moi aussi, ouais. je trouve qu'elle a vraiment une fin. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que c'est une fin clippée, effectivement, ça se parle pas, mais ça résume quelque chose, ça perd en temporalité. Et moi, je trouve que c'est vraiment dans la veine de ce qui t'amène dans le film. Quoi. C'est, si tu vas vers l'abysse, c'est à un moment donné, bah, tu es pris dans un tourbillonnement qui dépasse. Pas de spoil, parce que j'ai vu que la moitié. Enfin, j'avais vu que le début. J'ai vu les deux tiers. Comment ça peut voir que la moitié alors que ça dure 1h10? Parce que je venais de voir Fumer Fait Tuffer avant, j'ai enchaîné les deux. Mais non, je pense pas avoir. Je crois pas avoir dit de choses qui gâchaient le film. Mais le fait est que Yannick, effectivement, c'est un film qui s'est écrit sur un délire entre Raphaël Quenard et Quentin Dupieux. Je crois à Cannes l'année dernière, Quentin était là pour présenter Fumer Fait Tousser. Le fait est qu'il délire un peu autour d'un argument. Je vais vraiment rien dire sur le film. Tout va bien. Parce que c'est un film que j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à tourner, qui s'est tourné très rapidement, qui a été écrit assez rapidement. Mais ce qui veut profondément rien dire, que quelque chose soit écrit dans un geste. Je veux dire, tu peux écrire un truc, voilà, et ça marche, et le film se tient énormément. Alors, je l'ai pas vu, je l'ai tourné et j'ai joué dedans. J'ai un rôle dedans, de fait. Oui, c'est bien de dire ça. Ah bah, si t'as tourné dedans, t'as pas de rôle dedans, c'est très triste. C'est très triste. Et le film se tient et s'est fait comme ça, en élan, entre deux films, entre deux productions. Effectivement, après, il allait partir sur Dali, qui avait beaucoup plus d'ampleur. Ouais, une plus grosse machine. Et là, c'est une espèce de film de pirates, quoi, qui arrive au milieu de nulle part, au milieu de l'été. Ça sort le 2 août. Ouais, c'est ça. C'est gratuit pour tous les Yannick. C'est vrai? Mais ouais. C'est génial. Enfin, j'espère que c'est pas une blague de Raphaël, sinon, non, c'est gratuit. Parce que pour moi, c'est un truc que je voulais faire. Il y en a beaucoup quand même. Il y a beaucoup de Yannick en France. Enfin, je veux dire, oui, c'est ouais, basket, mais quoi. En même temps. Bah, en Bretagne, le film va bah, se passer. Voilà, en France, c'est foutu. Je viens de là-bas, tout le monde s'appelle comme ça. Je crois que c'est gratuit pour les Yannick. Ça sort c'est le 2 août. Drôle. C'est un film qui a été super de tourner ça. Moi, c'était la première fois que j'y vivais une expérience où vraiment, on avait l'impression de réaliser le film en même temps que Quentin. Mais il réalisait comme on réalisait une idée. C'est-à-dire, ce qui était fou, c'est ah oui, parce qu'il a une méthodologie très très à lui, très particulière, comme il est à plusieurs postes, vu que c'est un artiste assez complet. Il va aussi un peu au montage, il s'occupe beaucoup de la lumière, il est chef-op de ses propres films et scénariste, oui, et réalisateur, donc il fait beaucoup beaucoup de choses dessus. Mais c'est très agréable parce que c'est comme si on l'aidait vraiment à accoucher de quelque chose, à réaliser quelque chose, mais dans ce sens-là. Et je souhaite à beaucoup d'actrices et d'acteurs d'avoir la chance de tourner avec lui, parce que c'est l'expérience vaut vraiment son pesant de cacahuètes. C'est pour ça qu'il est un peu très collectif monde. Au final. Ouais. C'est-à-dire que bizarrement, lui, il est crédité à beaucoup de postes, mais en vérité, l'expérience est très collective et tout le monde est très concerné par ce qu'on fait. Ce qui n'est pas toujours le cas au cinéma. Là, tout le monde est très concerné par le sujet du film, de quoi ça parle, comment on en parle, etc., à quoi ça me fait penser, tout et tout. Donc c'était très très agréable à faire. Et ça s'est tourné, je peux le dire, ça par contre, ça s'est tourné dans un théâtre en plus. Ouais. Bah, je crois que le jour où l'épisode sort, là, la bande-annonce sera sortie ou sort. Je sais pas, il y a une bande-annonce. Bah, qui est en tout cas, on en a tourné une, je sais pas si elle va sortir, mais on a tourné une au cours de ce tournage. Et d'accord. C'est super, et c'est une manière de revoir Blanche Gardin, Pio Marmaille, Raphaël Quenard, Agnès Hurstel. J'en oublie, bien sûr. Raphaël Quenard, évidemment. Ouais. Je l'ai dit. Oui, c'est le rôle principal. Ouais. Donc, de toute façon, on le voit. Ouais. Et c'est super. Enfin, c'est, en tout cas, à faire, c'était génial, et j'ai hâte de le découvrir parce que l'expérience était charmée, quoi. Mais moi, j'ai toujours. En plus, moi, je suis assez OK avec les réalisateurs qui sortent. Plein de films et des fois des trucs un peu. Enfin, tu vois, il y a des réalisateurs comme. Bah, alors, à la grande époque, hein, moins maintenant, mais des Woody Allen ou des. Enfin, tu vois, qui sortaient un film quasiment tous les ans. Et il y a des choses magnifiques qui sortent de ça. Moi, je trouve ça super, en fait, cette oui, façon c'est un, de faire. C'est un autre rapport à la rencontre. Il n'y a pas aussi. Besoin de. Enfin, de. Comment dirais-je, de mettre sur un piédestal le cinéma en disant non, il faut que ça passe 6 ans de ma vie et tout. Oui, c'est une autre façon de faire que je trouve assez excitante oui, aussi. Comme quoi. Golden Moustache, tu veux dire. Ouais, c'est ça. Non, mais je trouve ça cool, quoi, aussi, comme façon de faire. Ouais. Et j'ai hâte de voir son Dali aussi. Il y a Jérôme Niel qui joue dedans et qui nous a un peu parlé et qui nous a montré des photos qui et ça a l'air assez dingue aussi. Ouais. Mais non, en tout cas, c'était une super expérience. On peut quand même dire que c'est une comédie. C'est une comédie, mais alors tu sais, c'est toujours pareil chez Quentin Dupieux, c'est que oui, c'est une comédie, mais c'est pas forcément, c'est une comédie intelligente. Ouais. Donc je regrette immédiatement cette phrase. En fait, je te connais, je me suis dit, mais il doit détester ce terme qu'il vient de dire. Mais non, mais bien sûr que je déteste ce terme. C'est-à-dire que, à mon avis, faut pas le. Non, tu vas pas pour t'exploser de rire non, comme un dingue. Je sais pas, après, je l'ai pas vu, ça se trouve, je vais être mort de rire et je vais dire, mais je suis un connard, j'ai rigolé à gorge déployée, bien sûr. Mais Incroyable, mais vrai, par exemple. C'est pas une énorme comédie, mais t'as c'est des gros drôle. Moments de rire. Oh mais c'est là, drôle, ouais. C'est drôle. Magimel et tout. Oh là là. Magimel est incroyable. Pichaba et leur discussion là. Ouais, je peux pas spoiler. Mais ouais. Bon, le... J'ai vraiment envie d'en dire le moins possible, même si je pense les films, les grands films se gâchent pas. Mais le fait est que là, il y a une telle soudaineté dans la sortie, dans l'envie d'être dans un mouvement. C'est fou. T'es pas d'accord avec ce que je viens de dire sur les grands films se gâchent pas? Non, mais je sais qu'il y a un peu un débat sur c'est impossible de spoiler un bon film ou un truc comme ça. De le gâcher, non, de le gâcher, moi je dirais plutôt. Oui. Enfin, non pas parce que je suis québécois, mais parce que le fait est qu'il y a beaucoup, la plupart des films qu'on a découverts qui sont des grands films, on connaissait déjà peu ou prou la fin. Oui, tu vois. Ça n'a jamais empêché d'apprécier. Non, mais c'est vrai que dans le cinéma du Dupieux, il y a tellement des fois des surprises qui sortent de nulle part. Tu dis bon. Oui, puis on a la chance d'être dans sa contemporanéité, donc de pouvoir le découvrir en même temps que tout le monde. Et c'est vrai que c'est pas mal de. C'est pas mal. En plus, vraiment sortir comme ça au milieu de l'été, au milieu de nulle part, c'est déjà la blague est là. Ouais, c'est plutôt dans ce sens-là que j'ai pas envie d'en dire trop. C'est comme faut pas raconter la chute, quoi. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Donc c'est au cinéma, c'est le combien tu disais? 3 août. 3 août. Le 2 août. 2 août. Le 2 août. Et j'ai une autre petite actu. Bon, j'en ai plein des actus, mais l'autre petite actu, c'est la série Bernard Tapie de Tristan Séguéla avec Laurent Lafitte qui arrive. Tu joues Pascal Praud. Qui arrive le 13 septembre. Oh, impossible, il faut changer. C'est ce que je vais faire. Bah, je vais appeler. Appelle tout de Albert suite Netflix. Bah, oui. Je vais lui dire immédiatement de changer ça. C'est un mercredi. Mais après, c'est Netflix, donc on peut très bien. Non, Sébastien, non. Laisse-moi finir ma phrase, peut-être. Fais un effort, Seb. On peut peut-être regarder le matin dès 9h du mat quand c'est mis en ligne le début. Aller à El Cartel. Non, pas El Cartel. Cartel Comedy Club. À Cartel Comedy Club. Et le CCC. Comme le comité, contre les chats. Égard, joli. C'est fait exprès? Pas du tout. Ah, okay. et revenir après voir le 7e épisode le lendemain matin. D'accord. Par exemple, voilà. D'accord. On peut faire plusieurs choses. D'accord. Non, mais oui. C'est oui. Mais moi, je pensais que c'était une bonne nouvelle parce que ça facilite l'actu. Tu vois, de dire le 13 septembre, il y a ci, il y a ça. Tu veux quoi? Tu veux regarder? Tu veux Netflix ou tu veux aller au Cartel? Justine. Eh ben les deux. Voilà. Les deux. Il baille. Oui, donc la série sur Bernard Tapie, alors, qui est co-réalisée ou qui est réalisée par Tristan Séguéla? Intégralement réalisée par Tristan Séguéla. Parce que j'ai vu une série 2 et il y avait deux blazes, c'est pour ça. Alors, ah, c'est parce que c'est le showrunner, peut-être. Bien sûr, parce que Tristan Séguéla qui avait fait Docteur avec Hakim Djibril. Avec un point d'interrogation. Michel Docteur Blanc, qui était vachement bien. Oui, pardon. Docteur. Ça prononce, ouais. Et qui était un super film que j'avais adoré. Donc j'ai hâte de voir Tapie également. Ouais, mais revenons tout de suite à Adrien Michel, qui a aussi ses recommandations. Alors sinon, j'ai un compte TikTok qui s'appelle Grassroots Goals, GRAGROOTSGOALS. C'est vraiment très long pour le contenu que ça propose, mais j'adore. C'est juste des vidéos de c'est des très beaux buts lors de matchs de foot, mais genre dans des ligues vraiment éclatées, genre et c'est juste je sais pas, il y a un côté hyper enthousiasmant à voir des gars clairement avec une bedaine et tout, et ils ont un moment de génie où ils mettent un but de dingue. Et donc voilà, Grassroots Goal. Allez, hop là, deuxième compte TikTok. On s'en fout, voilà. le nom du compte TikTok. En fait, c'est juste quelqu'un qui y remonte. Peut-être vous l'avez vu passer parce qu'il le fait pas mal avec les vidéos de Mehdi, de les interviews de Le Code de Mehdi Maizi. Ouais. Et en gros, il remonte des interviews pour faire dire n'importe quoi aux gens. Mmh. Et c'est trop drôle. Le truc avec Mehdi et Ayana Nakamura, je spoil pas, mais. Un banger, j'ai envie de dire, très drôle. Oh là là, voilà, bon, ça c'est du petit bonbon. Voilà. Ensuite, un podcast. Alors j'ai écouté que même pas deux épisodes en entier, mais je le recommande parce que je suis sûr que c'est bien, c'est sûr. Rien que le titre. Who shat on the floor at my wedding? Qui a chié sur le sol à mon mariage? J'ai entendu parler de ce truc. Oui, j'ai parlé de ce truc aussi. Ouais. C'est un podcast d'enquête. Ouais. En gros, c'est deux meufs qui se sont mariées sur un bateau et à un moment, il y a une des invitées qui est venue les voir et qui leur a dit désolé, il y a quelqu'un qui a chié sur le sol en bas, là, devant les chiottes et tout. Et du coup, la narratrice du podcast qui a passé, je crois, qui fait une formation de détective privé en ligne, elle mène l'enquête pour trouver qui a chié sur le sol. Et ça va être adapté au ciné par François Ozon. C'est avec Isabelle Huppert et Lucini. Non, et voilà, j'ai écouté un peu, c'est drôle, c'est une enquête. Là, j'en suis à l'épisode 2 où elle interview quelqu'un et la personne justement qui a dit avoir trouvé la merde. Et du coup, elle lui demande de décrire un peu quel genre de merde. Elle lui dit, bon, d'après toi, qu'est-ce qu'elle avait mangé la personne? C'est vraiment drôle. Alors, il y a des descriptions assez précises de merde, donc si ça vous dégoûte. Après, si vous êtes auditeur du podcast, bon, normalement, vous êtes bien. Mais voilà, bon. Mais bon, si ça vous dégoûte, potentiellement, n'écoutez pas. Mais très marrant, puis très podcast compatible, j'ai envie de dire. Moi, j'adore les enquêtes. Mais anglais. Voilà, c'est ça. Mais anglais. C'est ça. Donc voilà. Et puis, bah, enfin. Anti-gang la relève. Oh mais là enfin, mais oui c'est l'été. Il y a enfin une date qui a été annoncée qui Méniel. Est le... Méniel. Attendez, Méniel. Attendez. Méniel. Attendez. Le 25 août sur Disney+. Bah ouais. Anti-gang la relève. Je peux dire je joue un méchant, voilà, je le dis. Ce qui est déjà mais du petit lait pour moi. Voilà, mais je joue un méchant, alors après vous vous doutez bien que je suis pas le méchant qui casse la gueule à Alban le Noir. Spoil pas. Moi, je pense que ça peut se spoiler. Non, mais on voilà. Je joue un méchant. Bon, je suis pas sur l'affiche. Bon, c'est pas. C'est pas un concours. Ah ben, il y a des gens qui ont moins de jours de tournage qui sont dessus. Mais c'est pas comme ça qu'on calcule. voilà, c'est pas non plus. C'est pas grave. Non, mais je me voilà. Mais je l'ai pas vu moi le film encore. Ouais. Je peux pas vous. Mais j'ai vu des extraits et vraiment, j'ai vu une scène de baston. Ouais. Et j'étais vraiment très content. Tu mets un croche-pied. Non, tu mets pas un croche-pied avant le noir. Non, mais je ne me bats pas une seule seconde, si je peux spoiler. Je me fais tabasser, oui. Non, mais évidemment qu'il y a des gens qui ont été castés parce que c'était des vrais combattants de MMA et tout, donc il y a des scènes de baston. T'as fait défense personnelle quand même. J'ai quand même fait ça, oui. Ouais. Non, mais j'ai fait quelques cascades, attention. Ah oui, non, mais n'en dis pas trop. Non, mais vous verrez des trucs, vous direz, attends, c'est lui ou pas ? C'est peut-être moi. J'ai tellement hâte. Mais non, mais il y a des scènes de baston avec. Il y a notamment Maggie Berchel, qui est une ancienne numéro 1 du MMA en France, qui joue une de mes acolytes méchantes, qui a une scène de combat contre Alban. Et c'est incroyable parce que c'est une meuf qui se bat vraiment trop bien et tout. Donc il y a des vraies bonnes scènes de baston dans des trucs cool. Enfin, j'ai vu cette scène, j'étais vraiment très content d'être dans ce film. Tout et donc j'ai hâte de le voir et j'espère que ça plaira aux gens. Donc 25 août sur Disney+. Mais dis-moi qu'il va y avoir une projo, je vais être au premier rang pour te voir. Il y en a eu, ça. Je crois, la veille ou la veille, c'est ouais, ça. Donc c'est en plein mois d'août, 24, voilà. Alban le Noir, Cassiope Maillan, Sophia Essaïdi, Jean Reno et Adrien Méniel dans ah ce oui film de Benjamin Rocher. Voilà, tout et à fait. Sur lequel a écrit aussi Tristan Schulman, qui était à qui j'avais c'est travaillé vrai sur Jack Mimoune, comme quoi tout petit tout monde. Se recoupe, oh, tout là. Se recoupe. C'est Floodcast friendly. C'est Floodcast friendly. Non, mais puis c'est un peu comédie aussi parce que enfin en tout cas, non, moi, c'est j'ai ça. Pas, c'est vu le 1 et c'était ce mélange un peu 80s de il y a de l'action, il y a un peu des blagues. Mais je pense qu'on est encore plus dans l'action comédie dans celui-là, je ouais pense. Okay. Bah déjà le je peux un peu ça, je pense pas ça spoil, mais il y a un peu un binôme entre Alban le Noir et du coup Cassiope qui joue ouais la fille d'Alban. Okay. Et en fait il y a un peu un binôme entre Alban et sa fille, et donc il y a déjà le ce truc là qui est déjà générateur de comédie un peu. C'est ouais pas banal, c'est un film d'action donc avec un père et sa fille qui est très jeune. Et justement la scène de baston que j'ai vue, il y a un côté très justement il y a un côté comédie mais en même temps là, avec de la vraie baston qui marche vraiment bien et tout, ça tue trop bien et tout fonctionne et c'est trop cool. C'est donc, cool la Disney Plus qui font des, j'ai vu qu'il y avait une zone à défendre aussi, alors j'ai pas vu le film mais j'ai vu beaucoup d'extraits parce que le directeur photo du film que je sors l'année prochaine est aussi le directeur photo de ce film là et c'est aussi le même premier assistant, et donc du coup quand on parlait des fois il me montrait des extraits du film pour voilà, et j'étais assez impressionné aussi parce que c'est aussi de l'action, alors c'est pas du tout une comédie, c'est une oui une film romantique mais d'action aussi, et t'as des scènes d'action qui sont assez impressionnantes aussi, donc c'est cool. Là, j'ai l'impression que l'action en France, qui a toujours été un truc un peu qui était quand même à fond de notre ADN dans les années 70-80 avec les Belmondo, les trucs comme ça, j'ai l'impression qu'avec les plateformes ouais en l'occurrence Alban est un vrai fer de lance ah de bah ça, mais il y en a oui de plus en plus et apparemment ça cartonne quoi à chaque fois quoi, il y a, ouais, y a un cool vrai attrait ouais à ça, donc j'ai hâte de voir Antigang 2, j'ai hâte de voir Ménier. Bah moi aussi j'ai hâte, mais j'ai puis hâte. J'espère que de toute façon regardez-le, voilà. Bon oui, envoyez-moi de la c'est force. Combien de temps on a fait gratos le podcast? Évidemment vous pouvez regarder c'est le film, c'est toujours gratos, il y a des pubs mais c'est toujours ouais, gratos ouais, donc voilà. Regardez le film, un petit et puis bon film du soir je pense. Bon petit film. Film d'été là. Oh, petit coup de Ben & Jerry's là. Oh là là. Un apéro, ah, tu regardes. Et après, tu plonges dans la piscine. Bah. Non, mais quoi. Oui. Oh le con. Le con que c'est ce mec. Bon bah voilà, bah écoutez, c'est la fin de ce film. Et toi? Comment ça? Recommandations culturelles. J'ai eu trop de recommandations. Moi mais j'aime tu bien prends écouter pour qui les vôtres. Tu prends bien pour qui? Dernier petit tour de table. Donc, Sébastien, on l'a dit, Yannick de Quentin Dupieux. Le 2 août. Le 2 août avec Raphaël Quenard, Pio Marmaille, Blanche Gardin, Annie Surcel et moi-même. On n'a pas précisé, c'est une bio de Yannick, le chanteur qui a fait ces soirées-là. Voilà. Ah oui, non, mais je voulais pas gâcher la surprise liée à ça. C'est le biopic de Yannick. Mais c'est gratuit pour ce mec, en tout cas. C'est d'autant plus gratuit pour ce mec. C'est vraiment gratuit pour lui. Mais ouais. Pardon. Et la série Tapis. La série Tapis, bah du coup, on va peut-être décaler la date de la sortie. Ouais, par rapport à Justine. Ouais, ouais. Je comprends, je comprends. Et Grand Paris va peut-être bientôt être en VOD aussi, non? Parce que j'ai sûrement que sur vu, OCS, ouais. Ouais, ou des choses comme sur ça. Sur OCS et MyCanal. Je l'ai vu en mars, je pense. Je l'ai vu à sa semaine de sortie, moi. Oui, donc, ça va arriver dans pas longtemps. Mais il s'en sort avec les honneurs. Il a fait assez d'entrées. Enfin, je veux dire, il a fait 30 000 entrées. Ouais. Ce qui a l'air d'être de rien comme ça. Mais pour un film avec un si petit budget, oui, qui est sorti dans, à la base, une salle dans Paris, qui était le MK de Gambetta. Ouais. On a rouvert des salles derrière. Moi, c'était génial. Ouais. J'ai l'impression de revivre. Enfin, j'ai l'impression de vivre les années 80. Parce qu'on ouvrait les salles en fonction du nombre. Enfin, du classement au sein de chaque salle. Donc après, ça a ouvert à Beaubourg. Ça a rouvert à MK de Bibliothèque. Et puis d'autres cinémas. Et puis c'était aussi dans toute la France. Avec le distributeur JHR. Ouais. Et non, c'est un film pour lequel j'ai une tendresse infinie et un réalisateur pour lequel j'ai énormément de tendresse également. Très bien. Justine Le Potier. Oui. Le Cartel Comedy Club qui ouvre le 13 septembre. Ouais. 2023. 18h. Voilà, et puis des petits projets à droite à gauche. J'ai vu que tu étais dans une. Comment on appelle ça? Pas une. Comment? Merde, il y a un mot. Bah, t'étais avec d'autres auteurs et autrices. Ah, mais oui. Résidence. Voilà. Résidence, évidemment, bien joué. Je merci. Serai au Festival de La Rochelle pour présenter ma série. Bah, pas mal. Oh, waouh. Wow. Ouais. Sympa. Qui cool. A été écrite, qui n'a pas été tournée, évidemment. Ouais. Puisque nous attendons le go de certaines stars qui ne viennent pas pour faire cette série. Welcome. Voilà, mais oui, je viendrai présenter ma série, ce que j'ai écrit là-bas. Et en 2023, vous êtes quand même, j'ai quand même la chance d'avoir autour de cette table plein de comédiens qui sont dans Nous les Leroy aussi. Bah, c'est vrai qu'on est plaisir. Tous dans long le film. Tout le monde, vous Florent êtes tous Bernard. Bon, c'est pas tout de suite. Hein. C'est, mais voilà, ça me et fait, en 2024, tu veux dire. Ah, j'ai dit 2023, pardon. Ouais. Oui, 2024, bien sûr. Et là, c'est la déception. Et là, c'est dans la déception tête des gens. Pour tout le monde. Dit, ah, ouais, 2000, alors, attendez, il y a Sébastien qui me dit un truc très discrètement. Oui, je suis dedans, ouais. Non, t'es dedans. Et Bouchon. Ah non, de trucs d'Éléonore, non. Non, t'es pas dedans. Non. Ah okay. Oui, mais ça, toi, t'es dedans, Sébastien. Ouais, mais c'est à La Rochelle aussi, c'est pour ça que j'y pense. Ah, ok. Ah, bah, enfin, je sais pas si c'est à La Rochelle d'ailleurs. Ouais, non, ah, celui-là, on n'est pas dedans, non. Mais t'inquiète, Seb. T'as mis une belle ambiance à de merde. À qui j'ai donné la réplique alors? Bernaud, à Bernaud. Ah oui, c'est ça. À Bernaud. C'est vrai qu'il y a Nicolas Bernaud dedans. Mais oui. Lalanne. Ça, pour le coup, ils auront l'occasion de nous en reparler. On bah en oui. invitera évidemment. Seb Lalanne, tu dis? Tu veux dire le mec qui joue dans Antigang, la relève? Et qui sera là le 13 septembre parce qu'il m'a promis qu'il viendrait faire un petit passage. Oh. Et bah voilà. Et voilà. 25 août. Le 25 août, Antigang 2. Enfin, tu vois, la relève. La relève, oui, parce que j'ai vu que c'était ça le titre. Ouais. Et quand vous écouterez ça, donc, enfin, là, ça sort le lundi, là, demain. Ouais. Demain, et bah, le dimanche d'après, c'est le dernier épisode de la saison de La Bonne Auberge. Oh là là! Donc, voilà, vous avez une semaine pour tout rattraper si vous n'avez pas vu. Non, et voilà, season finale de La Bonne Auberge. On est en enfer littéralement là dans l'histoire et ça va être la bagarre. Et alors s'il reste encore des auditeurs après toute cette promo qu'on vient de faire, ça va. C'est insupportable. Non, qu'est-ce que vous avez de mieux à faire que de nous écouter? Des gens se barrent, il y a personne déjà. Ça va. De toute façon, vous avez écouté la pub du début, c'est bon. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Aslak Lefebvre, pour ne pas le nommer, a réalisé un, comment on appelle ça, une sorte de mini documentaire. Ouais, un mini documentaire sur la tournée du podcast. Il nous a suivi avec sa petite caméra. C'est un peu un vlog. C'est votre petit frère ou quoi? Un petit peu, c'est un peu un vlog. C'est un peu, il y a aussi un peu de nous qui parlons. Un vlog d'été, tout simplement. Voilà, c'est une vidéo qui dure quand même 20 minutes sur laquelle il a beaucoup bossé et donc effectivement il nous a suivi sur toute la tournée du Floodcast. D'ailleurs on voit le pote à un moment parce qu'elle était avec nous à Toulouse. Et oui. Avec et le gros Big Flo. Avec l'énorme Flo. Oui, oui. Et voilà, et donc c'est une vidéo où on revient un peu sur la tournée, où on voit plein d'extraits de la tournée dans les trains, sur scène, parce que si vous n'étiez pas là vous voyez aussi des chansons. Et voilà, et ça sort la semaine prochaine, c'est ça? Oui, lundi prochain. Lundi prochain, la vidéo de Aslak sort. Et on espère que bah, ça vous plaira. Oui. Voilà, tout simplement. Bon, et ben merci tout le monde. Merci. Bonnes vacances. Merci d'avoir écouté le podcast cette année. Passez un sublime été. Sublime été. On revient à la rentrée. Hein, le farniente surtout. On dit même pas. Oui, hein, oui, mais... oui, bon, et un petit best-of là cet été qui sort. Après, voilà, peut-être que je le ferai pas. Mais peut-être que je le ferai. Voilà. Bon, merci tout le monde. Salut. Allez. Ciao, bye. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.